J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oh, yes, wow, yes. Bienvenue. Je n'en peux plus déjà. De ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du numéro 14, c'est, je crois. Oui, la nouvelle 14, saison, 14e. Comme à l'accoutumée, 4 invités avec moi autour de la table. Commençons par Nathalie Ogierichko. Bonsoir. Bonsoir à la communauté. Alias Natou sur le web. Sur le web, si vous êtes férus d'internet. La fille ludique. Oui. Natou, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Est-ce qu'il y en a? Je suis Natougram sur Instagram, Natou sur YouTube. Voilà, j'aime faire des vidéos humoristiques. Voilà, comédienne, scénariste et mille autres choses. Instagrammeuse. Influenceuse, on est sur une influenceuse. Oui. Nous sommes également avec Freddy Glatieu. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je pense que je suis le seul ce soir à ne pas avoir de compte vérifié sur les réseaux. Ah. C'est une bonne manière de se présenter. Il est désagréable ce soir. Non, mais il faut prévenir les gens. Freddy est très désagréable. Je ne suis pas désagréable. Il est odieux. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne connaissent pas? Sois un petit peu discipliné, Freddy, je te trouve... Oui, est-ce que je peux parler? Je sais. Okay. Non, je fais partie d'un groupe qui s'appelait Multiprise, c'était déjà à l'époque. Comment ça, qui s'appelait, pardon? C'était déjà à l'époque, non, parce que c'est un peu fini. Oh, mais donc toi, non, ce groupe existe toujours. Enfin, c'est en pause, mais c'est... sinon, Freddy Gladieux sur les réseaux, j'aime l'humour. Voilà, j'adore rire, ça se voit ou pas? Rien de visage. Oui, on est à fond. J'adore ça. Nous sommes également avec Lucien Mène. Oh ouais, oui. Lucien Mène, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Lucien Mène. Oui. Ouais. Et eh ben, je fais moi aussi. En fait, on fait tous la même chose autour de cette table, je oui, crois. Oui, bon, enfin, ça arrive souvent. À part Instagrammeuse. Ouais, je pensais être original. Apparemment. Ah oui, non, c'est vrai que t'es pas vérifié, toi. Non, c'est... Oui, oui, bah, donc des vidéos, des rigolades. Voilà, entre mille choses. Entre mille choses. Nous sommes également... Bon, vous le connaissez, est-ce que je dois vraiment le présenter? Bon, je le présente. Allez, on passe aujourd'hui. Mais non. Il y a également l'excellentissime Adrien Méniel. Bravo. J'ai essayé de faire le sniper. Ah, mais c'est bien, moi j'ai relevé. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, je suis l'inventeur de la couleur violette des M&M's. Ah ouais, qui a été refusée par... Ah oui, parce qu'elle n'est pas du tout dans le paquet. Voilà, mais c'était moi et c'est ma seule fonction dans la vie. Ce qui est pas mal. Hein. Les amis, avant de commencer cette émission, comme à l'accoutumée, on va partager avec les auditeurs ce qu'on a apprécié culturellement parlant ces derniers mois. Adrien Méniel. Je propose. Groom. Je propose qu'on commence par quelqu'un d'autre parce que j'ai pas d'idée. D'accord. Groom. C'est vrai que c'est la première fois que tu fais cette émission, Adrien, donc tu ne savais pas qu'il fallait préparer un petit truc. Non, mais j'ai bossé, j'ai pas fait. Nathalie. Oh, ben je pense que c'est la série Groom. Oh, bah non. Oh non. Sur YouTube original. Non, sur YouTube Premium. C'est une série YouTube originale, en revanche. Mais oui. Vraiment, j'ai trouvé... rien suivi. Mais t'as trouvé ça extraordinaire, je crois. Mais j'ai tout bing-watché, comme on dit. J'ai tout regardé. Bing-watché. Parce qu'en plus, je crois que. Alors, moi, j'ai pas trop vérifié. Je crois que le premier mois est gratuit et sans engagement. Attends, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait par la formule, oui, vous pouvez vous désabonner. Donc ah, ça, c'est fou. Vous pouvez regarder les séries Les Emmerdeurs ainsi que Groom gratuitement. D'accord. Et éventuellement, vous désabonnez. Donc, moi, je ne sais pas. Donc, je ne savais pas. Vous me l'apprenez. Il me semble que c'est ça. Bon, jamais je me permettrais de le dire, mais je pense que c'est vrai. Ouais, peut-être. Mais peut-être. Le principe de YouTube, c'est d'être gratuit depuis le début. Donc, Lucien, s'il te plaît, je vais chialer. moi, j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient ça, donc je pense que c'est la vérité. Nathalie, à part cette série qui est peut-être extraordinaire, je ne sais pas, je ne vois pas trop de quoi il s'agit. C'est du sale. Qu'est-ce que tu as apprécié récemment? J'ai regardé 7 saisons de Paul Rudd Drag Race. Alors, sur Netflix. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une compétition. C'est une compétition de drag queen. D'accord. Et voilà. Qui consiste en quoi? Eh bien, tu as plein de drag queens qui se battent pour devenir la reine, enfin Miss Drag Queen de l'année. D'accord. Et ils ont des défis, par exemple, se coudre des robes sur des thèmes particuliers. D'accord. Et dans le jury, à chaque épisode, tu as des stars telles que Lady Gaga, les Kardashians. Quelqu'un qu'on n'aurait pas imaginé dans ce genre de compétition, oui, Lady Gaga. Oui, c'est surprenant. Ouais, vraiment. Il y a aussi Moi, j'avais Bob Sinclair en tête, pas du tout. Et aussi, j'ai regardé une série là sur Netflix. Alors, je retiens pas, j'ai pas retenu le nom, mais c'est une série Sanrio avec un petit personnage qui est un panda roux. Donc, c'est un dessin animé. Ah oui. Et donc, elle va au travail et elle subit plein de pressions. Et en fait, elle retient tout. Elle retient tout. Et puis, quand ça va vraiment pas, ça atteint un seuil de non-retour, elle va aux toilettes pour chanter. Dans un micro de... Oui, c'est ça. Ouais. Elle se lâche avec une voix méga grave et elle insulte tout le monde et c'était plutôt sympa. Mais j'ai pas retenu le nom. Ah bah écoute, les du gens... Black Metal donc. D'accord, les gens regarderont sur Internet oui, et voilà. Chercheront. C'est sur Netflix, ça hein? Tout à fait. Très bien. Frédéric Ladieu, oh pardon. Quelle série! C'est incroyable. C'est du 10x22. Vous, ah, non, ça, attends les réglages, ça va. Une éruption volcanique. Non, Groom, j'ai pas encore eu l'occasion de tout voir, mais j'ai vu deux épisodes en avant-première, c'est ça? T'étais invité au Grand Rex. Oh. Ouais, écoute, ouais, non, j'étais là. On a quasiment. Non, et bah, franchement, j'ai été. Enfin, je m'attendais à rien et. Enfin, quoi qu'il y a rien, parce que je veux dire. Ça fait juste deux ans que tous tes potes en parlent. Non, mais en fait, je savais pas à quoi ça allait ressembler et j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment, vraiment très bien. Oh, mais arrêtez, vous allez. Vraiment, je suis très content aussi que les emmerdeurs sortent et qu'il y ait ce truc et que ça puisse exister. Et j'avoue que Groom, c'était vraiment, vraiment très stylé. Bah, merci beaucoup, Freddy. Est-ce que tu as d'autres choses, peut-être de trucs que des gens n'ont pas le fait autour de cette table? Le making of de Groom, s'il sort, essayez de sortir ça. Il y en a eu un qui a été tourné. Il y en a eu un, c'est pas où il est passé. Flo Sabat, j'ai vu au générique parce que j'ai épluché le générique. Exactement. Tu l'éplucheras bien parce qu'il y a des erreurs dans le générique. Il y a des épisodes qui sont dit que c'est moi qui les écris alors que c'est Adrien. Voilà. Ouais, en fait, et justement, c'est précisément pour cette raison que j'ai regardé tous les génériques et je me suis dit ah j'ai envie de savoir lequel a écrit quel épisode et je me suis dit putain Flo il a bien bossé hein. Il a taffé quand même il a bien bossé mais c'est juste que l'épisode 7 il y a que le 7 oui de toute façon l'épisode 7 que j'ai écrit avec le robot. Ouais. Ah voilà, d'accord. Je spoil, qu'est-ce qu'il y a t'avais qu'à Bing Watcher. Moi j'ai Bing Watcher et bah j'ai pas de j'ai super. Pas il y a marqué que c'est Florent qui l'a écrit alors que c'est moi. Pour le coup, et c'est pas moi. Super. Il y a même une enfin bref, j'ai demandé à ce qu'il corrige cette erreur immédiatement et j'ai pas eu de nouvelles donc je pense que c'est impossible. Voilà. Bah vu que c'est enfin maintenant que c'est uploadé, bah, je pense que c'est moi. Ouais, enfin, vu que c'est YouTube. Je pense qu'ils peuvent, ils ont accès mais à des. Mais ça enlève les vues après, non? Peut-être. De toute façon, les vues, on les voit pas. Non, mais ça enlève les vues. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des retours sur le nombre de vues? Non, c'est pas. Nous sommes à 30. toute l'équipe du studio Bagueule a regardé, on est à 30 vues. Bah ouais, on est pas mal. Non, mais si, mais c'est affiché. Enfin, c'est affiché les vues. Non, c'est rien affiché. Non, il y a marqué classement, je sais pas quoi. À la place de l'endroit où il y a les vues, il y a l'âge, genre. Oui, si c'est interdit. Nous, on est interdit au moins de 12 ans parce qu'on n'hésite pas à aller très très loin. Ah, vous dites bite parfois. On dit, ouais, il y a beaucoup de blagues avec du sperme. Ok. Frédéric, d'autres choses peut-être? J'ai découvert la chaîne Kiwami Japan, vous connaissez? Alors, pas du tout. C'est un mec qui fait des couteaux avec tout. Des quoi? À partir de tout, des couteaux. Oh, on connaît! Tu connais ou pas? Oui. Mais j'ai découvert ça tardivement, c'est un mec. Mais tout, même genre des fruits et légumes. Vraiment, il peut le faire à partir de tout. Je vais vous dire, la dernière que j'ai vue, c'était c'est à partir de fumée. De la fumée. Ah, ça c'est faux par contre. De la fumée. Si. Alors, c'est un peu beau parce qu'après ça c'est toi qui fumes. C'est un peu beau parce qu'après il ajoute un liquide sur de la fumée et c'est justement. Ouais. Mais c'est un gars qui fait des couteaux à partir de carton Amazon. Ouais. C'est très long, mais il y a énormément de plans. Le mec hyper ingénieux. Mais est-ce que les couteaux après deviennent vraiment des armes dangereuses? Et ben, après, à la fin de c'est chaque. C'est juste une forme. Il égorge un gars. La fin de chaque. Tu es un mec à chaque fois. À la fin de chaque épisode, il prend un bout de papier. Et il le découpe avec le couteau pour montrer que c'est vraiment très aiguisé. Ça fait. Oh! Ah, c'est en ASMR. Mais du coup. Et une courgette. C'est toujours papier, courgette. Il déteste le papier et les courgettes. Et si jamais il fait un couteau en courgette, qu'est-ce qui se passe? Il découpera un couteau. C'est ça, non, ça marche pas. J'ai essayé de ça marche pas, mais vraiment, il le fait avec tout, du plastique, c'est tout et n'importe quoi, de la glace. Mais c'est un peu mon ASMR aussi, moi, ces trucs. Moi, c'est les comment on appelle ça? Les trucs à force hydro. Je crois que c'est les hydrauliques. Ok, ouais. Presse hydraulique et il teste sur des feuilles ou des iPhones ou des pendules. Et ça peut vraiment me relaxer pendant très longtemps. Mais le truc qui est incroyable, c'est qu'une fois que tu accèdes à ces vidéos-là, après, l'algorithme te propose des vidéos du même genre. Et là, je suis dans un univers incroyable où je regarde des mecs manger de la soupe qui ressemble à de la peinture. Tout à l'heure, je regardais ça, c'est de la peinture bleue. Et Moi, un jour, j'ai regardé une vidéo d'extraction de points noirs sur de la musique classique. C'est génial. Et j'ai eu que ça. C'est génial. Et c'est fou parce que ça fait des millions de vues. Ouais, c'est des gros points noirs dégueulasses qui sortent. C'est incroyable. Des fois, on nous demande des conseils sur la vidéo sur Internet. Percer des points noirs sur de la musique classique. En vrai, c'est génial. 33 millions de vues. Ah, 33, c'est fou. Après, ils pourront dire j'ai percé. Oh le sniper. Je suis seul à applaudir. Mon nez est posé sur le micro. Lucien, qu'as-tu apprécié récemment dans le domaine culturel? J'en ai plusieurs, donc je peux les faire, mais vite. Peux. Non, vraiment, on a le temps. On est à 10 minutes d'émission. Vas-y, parce que moi, j'ai toujours rien. Je cherche. D'accord. Alors, il y en a une qui est vraiment extrêmement simple et basique, que tout le monde connaît. C'est qu'en ce moment, je me tue à Fallout 4 sur PS4. Normalement, il faut dire Groom avant. Oui. Tu t'es permis de dire un jeu vidéo. Il a dit, mais très doucement. Mais... Ouais, je l'ai. Ouais, non. Mais en vrai, j'ai tout binge-watché le lendemain. Non, mais c'est vrai. En plus, je ne dis c'est que la vérité. C'est spontané. Moi aussi, j'ai binge-watché. J'ai binge-watché le lendemain de la. Non, le soir même, en fait, de la sortie sur YouTube. Ah ouais, Premium. Et le soir même. Et j'ai détesté. Ah oui, de la sortie YouTube d'accord. Premium. Oui, ouais. Mais personne parle des emmerdeurs, c'est terrible. Attends. J'y viens, Nathalie. Justement, en fait, j'ai commencé par regarder tous les emmerdeurs parce qu'il y a une histoire. Et en fait, à la projection au Grand Rex la semaine dernière, ils ont diffusé l'épisode 3 et 4 et j'avais pas vu le 1 et 2. Oui. Donc j'ai commencé par regarder les 1 et 2. Bah, t'es fait choper par l'histoire. Et je me suis complètement fait choper par l'histoire et j'ai tout enchaîné et c'est vraiment très très bien. C'est cool, hein, les emmerdeurs. Ouais, je suis hyper content parce que j'en entends parler dans les couloirs depuis longtemps. Golden Moustache, c'est Golden Moustache qui est à la prod. Voilà. J'ai une petite participation, donc j'ai été sur le tournage pendant 2 jours. T'as un rôle qui est très marrant. Ouais, j'espère qu'il y aura une saison 2 et qu'on développera ce groupe parce que je kiffe. Ouais. Et après, je me suis dit, oh tiens, je peux regarder. Maintenant que j'ai souscrit à YouTube Premium, je peux enchaîner avec un petit épisode et de groupe. Tu peux arrêter à tout moment parce que voilà. C'est sans engagement finalement. Je suis encore dans le premier mois, donc à tout moment, je pourrais l'arrêter. C'est gratuit. Ouais. C'est gratuit, il faut envoyer 8 courriers, hein. Faut le dire quand même, faut préciser ça. Non, c'est simple, tu cliques sur un bouton et après c'est fini. Il était déjà 3h du match, je crois, parce que j'avais binge-watché tous les emmerdeurs. Et j'ai fini tout Groom. Oh, c'est trop mignon. Parce que c'était vraiment trop bien. Bah, je me suis couché à 7h du mat à cause de vous, parce que vraiment, c'était trop bien. Et autant les emmerdeurs, pure aventure, les personnages sont hyper attachants, c'est vraiment cool, ça se tient bien, ça joue de ouf, les Allemands notamment. La lumière est incroyable. Vraiment, il y a d'énormes qualités et les ça couleurs. Fait trop plaisir. Les talons. Et autant, Groom, beaucoup de rire à voix haute. Ça fait plaisir. Il y a une vanne de nez qui saigne, je dis pas quand. J'ai éclaté de rire. Je suis très content car on a failli. Rare de rire tout seul. On a failli me la faire sauter celle-là. Donc je suis très content qu'elle ait été validée. Au moins pour moi, il y a moi qui ai éclaté de rire à 5h30 du mat et j'ai peut-être réveillé des voisins. Bon, bah parfait. Bah merci beaucoup parce que ça fait très plaisir. Mais oui, regarde, on dit Groom, parce qu'Adrien a bossé à deux autour de cette table dessus, mais moi qui ai aussi pas mal travaillé sur les emmerdeurs, je suis très content que t'en parles et vraiment. C'est aussi pour compenser le fait que la presse déteste Groom. C'est vrai? Ah ouais, vraiment? Oui. Non, mais non. Non, on en reparlera. On va faire des podcasts spéciaux et Groom et les emmerdeurs, on en reparlera à ce moment-là, mais effectivement, il y a un gars. Il y a eu un article de Télérama. Pierre Langlais, Monsieur Seri. Le mec, pour lui, il a détesté les deux. Il a dit que les deux étaient pas bien. Pardon, il a dit vachement de qualité aux emmerdeurs. Il a dit ça se laisse regarder. Oui. Yes, cool. Et nous, il a dit que Groom créait l'illusion pendant 5 minutes. Parce qu'il y a Kian et Rufus qui sont des vrais acteurs. Oui, voilà. C'est ouf. Et après, il dit, tous les personnages sont antipathiques et crispants. Et, voilà. Voilà. Super. Quelle était votre question? Critiquer et chier sur le travail des autres. Bah, vraiment, alors j'adore. Que nous, on le fait gratos. C'est vrai. Non, il y a un autre article où il parle des deux séries. Enfin, ça parle de YouTube Premium. Il dit, la première série, c'est très anecdotique. C'est une série loufoque dans un hôtel. En revanche, la deuxième, et après, tout l'article parle des emmerdeurs pour dire que c'est bien. Oui. Ce qui est une bonne chose. Mais vraiment, en deux lignes, il dit, oui, bon, la première, c'est dans l'intro. C'est pas en deux lignes, c'est dans l'intro de l'article. Vraiment, je te le dis quand même. Il balaye 2 ans de travail en deux lignes. Il dit, oui, bon, ça n'a aucun intérêt. En revanche. Et voilà. Okay. Cool. Mais on s'en branle. Moi, franchement, je m'en fous. Voilà. Non, mais surtout que c'est. Enfin, moi, en plus, il y a des critiques que je comprends complètement. Mais parce que c'est sur deux épisodes. Sur je deux préfère épisodes. Haïr entièrement les gens. On aura l'occasion d'en reparler parce que, comme tout je disais, fait. On fera un épisode spécial Groom et un épisode spécial Les Emmerdeurs avec les gens qui ont travaillé dessus. Sur le Groom, je pense qu'il y aura Jérôme, Vincent. Et le monsieur qui viendra. Bien, ce serait génial. Bah, en vrai, ouais. En vrai, drôle. Pour savoir pourquoi. Carrément. Adrien ne viendra pas. Non, si. Moi, j'aimerais trop t'entendre t'expliquer avec ce gars. Je pense que je m'énerverais trop vite. Malheureusement. Donc Fallout, pardon, excuse-nous. Oui, bah voilà, ouais. Je me tue à Fallout 4 et j'ai hâte. Adrien, cet après-midi, a vu sur PlayStation Network, je crois, que j'étais en train de jouer encore et il m'envoie un texto en disant entraîne-toi bien parce qu'en novembre, il y a Fallout 76, 76 qui sort et on va faire équipe. Et, ah, et j'ai quoi. Attends, du 4 au 76, il y en a combien qui vont sortir d'un coup? Je l'ai fait, mais plus légèrement. Qui sera une version en ligne, c'est pour ça qu'on pourra jouer mais ensemble. Mais vous êtes des geeks. Vous avez des casques avec des micros chez vous? Tu les as bien cernés. Oui. Moi, même plusieurs. Tu m'en prêteras. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, grâce à un pote Twittos qui s'appelle @mvcl, je sais pas quoi, ma vie c'est de la merde. Ouais. J'ai découvert un groupe qui est pourtant de mon époque du collège. C'est du métal, ça sent le métal. Non, plein justement, c'est plutôt du grunge-os. Ouais, voilà. Ah là là. C'est plutôt du bon grunge-os. Ça s'appelle, cows. Cows, comme des vaches. Des vaches, cows. Ouais, ok, ok, ouais, ouais, ok. Et c'est vraiment hyper bien. Et ça m'a redonné envie de réécouter tous ces groupes de l'époque. Et j'ai fait une playlist et tout. Mais est-ce que, alors j'ai une question, est-ce que ce sont des vraies vaches, le groupe? Si c'est le cas, elles sont fortes. Ouais, parce qu'elles jouent de la guitare. Ah ouais, donc ouais, des trucs qu'on voit très peu de vaches la faire ça. La batterie est très apprivoisée au plus haut degré. Quoi. Ouais, voilà. Donc, comme quoi, arrêtez d'en manger. Parce qu'elles font de la musique super. Ouais, voilà, elles font de la bonne musique. Donc, meilleur argument pour l'exploitation animale. Elles font d'excellente musique quand on leur laisse la possibilité de le faire, de créer donc je recommande Chaos et de follow toi tu le recommandes, mais est-ce que le critique de Télérama le recommande? Il pense que c'est très anecdotique. Alors non, parce qu'il s'appelle Mister Série, Monsieur Série sur Twitter. Je pense que c'est pas son nom, c'est pas son vrai nom. Est-ce que c'est M majuscule R? Donc c'est Mister Série. Ah, c'est lui Mister Série. Okay. Comme je l'ai stalké un peu après sa critique pour voir si c'était un connard. Parce que t'avais un petit peu de seum peut-être. Un peu. Et j'ai vu une interview de lui où il disait à la base ce nom sur Twitter c'était ironique, hein, je précise. Non, t'es un ringard. Et tu t'es rendu compte que c'était ringard et du coup t'as fait genre non, c'était pour rire. Et puis ça se change pas un hat sur Twitter. Ah si. Vraiment extrêmement facilement. Donc voilà. Et donc c'est que des séries. Il critique que des séries. Ouais. Par contre, il a aucun avis sur tous les autres sujets. C'est que des. Quand tu lui dis bonjour monsieur, il dit ah non, moi c'est Mister. Ouais, c'est Mister. Pardon. Hein. D'accord. Okay. Quoi d'autre, mon bon Lucien? Une dernière chose. Ah oui, un podcast américain, donc il faut parler anglais. Yeah. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu de niche puisque c'est trois frères et leur père qui jouent à Donjons et Dragons. Oh, trop bien. Ouais, et ça s'appelle cool. The Adventure Zone. Et c'est je m'abonne en live. C'est dispo sur Spotify. Tu t'abonnes à YouTube Premium? Bah oui, mais attends, voilà. Parce que t'es obligé de payer. Moi, on m'a offert l'abonnement. C'est... Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est pas juste, mais. Putain, je pensais que. Bah, nous non. Ouais. Et donc, c'est très bien parce que. C'est vraiment cool parce que c'est assez bien balancé entre on fait vraiment du jeu de rôle et on fait des blagues. Parce que moi, en tant que pratiquant, du jeu de rôle, en général, ça me saoule quand les gens font beaucoup trop de blagues et on n'avance pas dans une histoire. Ouais. Et là, c'est drôle. Et à la fois, ils vivent des vraies aventures autour de la table et c'est cool. Ouais, il y a Dan Harmon aussi, créateur de Community. Oui. Ah, oui, il avait une émission de télé, lui, je crois même. Tabletop. Harmon Quest, je crois ça s'appelle. Ouais, Harmon Quest, c'est un dessin animé. Je sais plus, mais en tout cas, il y avait un truc. Pardon. Non, mais je viens de tomber sur son tweet. Que valent les emmerdeurs et grooms, les premières séries françaises de YouTube Premium? La première est sympathique, la seconde beaucoup moins. Je suis le potier, le suit. Mais quelle idée. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, j'ai vu. Mais oui, mais je crois qu'il a beaucoup d'influence sur Internet. Voilà. Enfin, un peu. Après, il a le droit. Moi, Marine, je trouve ça Le Pen, très bien. Mais... Marine Le Pen est au deuxième tour. Hein, être populaire n'est pas gage de. C'est le syllogisme parfait, quoi. N'est pas gage de valeur humaine. C'est vrai. Voilà. Adrien Méniel, est-ce que tu as trouvé de quoi tu voulais nous parler? Oui. Alors, dis-le-nous, je t'en supplie. Et je vais conseiller des podcasts. Alors, dis-nous. Alors, le premier, c'est Bouffon. Ah, du petit Guigui Guillaume Malicène. De Guigui la tambouille. Alias Bœuf Bourguilhem. Bœuf Bourguilhem. Mais tu le détestes. Pardon? Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi tu le détestes? Non, non, c'est moi qui le déteste. Ah, mais bon, on peut en parler tranquillement. Ah, ok. Je sais pas si t'es sérieux ou. Mais non, je suis pas sérieux. Ah, d'accord. Ah, là, putain. Non, mais attends, c'est le retour des vacances. Tu joues bien, pardon. Ah, merci. En plus, tu vas être dans un numéro là bientôt. Oui, voilà. Bah, en plus, j'ai même pas fait exprès. Mais oui. J'ai totalement fait exprès. Tout ce que je vais dire, c'est les podcasts dans lesquels je serai. Non, c'est faux. Oui, bah, c'est un podcast qui parle de nourriture avec un thème à chaque fois. Par exemple, il y en a un sur les. La nourriture Oui. Ouais, sur les vaches qui font la musique. Non, par exemple, les ramen. Les ramen. Exact. Non, c'est pour ça que ça c'est le prochain où je suis invité. Par exemple, il y a un épisode sur les ramen. Donc la première partie c'est sur un mec qui ramène des trucs. Bon, je me casse. À la prochaine. Je comprends, Eddie. Bah, je t'ai appelé Eddie. De Préto, bien sûr. Freddy. Freddy Gladieux. Eddie Gladieux. Bah, je t'appelle Eddie maintenant. C'est plus rapide. Parce que c'est un bruit de freinage qui empêche d'aller vite. Alors. Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe. Donc la première partie du podcast, c'est avec un amateur de ramen, donc qui en parle avec passion. Et la deuxième partie, avec un chef dont la spécialité, ce sont les ramen. Donc il y a la vie de quelqu'un de passionné et la vie de quelqu'un dont c'est le métier. Donc c'est un peu toutes les visions de la nourriture. Il n'y a pas un gars qui détesterait les ramen, par exemple? Non, peut-être Mister Series, peut-être. Qui dirait, oui, bon, c'est juste une soupe. Pas trop d'ambition. L'ambition de nourrir les gens, un peu léger. Alors, un deuxième podcast que j'ai découvert récemment, c'est un podcast, c'est une sorte comme une mini-série, parce qu'il y a genre 5 ou 6 épisodes, et puis ça se boucle, c'est en one-shot comme ça, qui s'appelle « Qui m'a filé la chlamydia ?» C'est un podcast de Anouk Perry. Et est-ce qu'on sait qui ? Du coup, à la fin de. Bah, je vais pas spoiler. Ah merde, putain. How I Met Your Mother. Ah oui. Extrêmement décevant. Version un peu glauque. Je ne spoil pas. C'est le voyage qui est intéressant, c'est pas la destination. Et en gros, donc c'est Anouk Perry qui avait déjà un podcast, même peut-être plusieurs, mais je veux pas dire de bêtises, qui s'appelait le Anouk Perry Podcast, qui est ancienne rédactrice sexe de Mademoiselle. D'accord. Notamment, enfin, voilà. Et donc, en gros, l'histoire, c'est que après un plan, une partie fine à 5. Waouh! Elle reçoit. C'est plus que tout ce que j'ai fait dans ma vie. Oui. En une fois. Voilà. Non, mais elle est compétente. Ah ouais, bravo, bravo. Non, elle reçoit un texto qui lui dit une des personnes qui était présente lui dit alors j'ai la chlamydia, donc peut-être fais-toi tester. Il se trouve qu'elle l'a, et du coup c'est une sorte d'enquête pour essayer de savoir qui lui a refilé la chlamydia, quoi. Et donc c'est une sorte d'enquête un peu farfelue, on peut le dire, mais c'est assez chouette. Moi j'ai mais big. c'est drôle oui c'est drôle, ouais. c'est intéressant, ça dit des choses sur les gens, etc. Bah si on balance le nom de la personne. C'est pas cool. Il y a des noms qui sont utilisés. Est-ce que ce sont les vrais noms? Je pense pas. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. En ayant un peu cherché après sur Internet les noms avec les références qu'elles donnent, il y a des vrais noms. Ah, oui, moi okay. Je peux te dire que c'est une chose à ne pas faire. J'ai fait l'erreur dans une vidéo de McFly Carlito de parler d'une ex. Eh bien, j'ai eu un message vite. extrêmement vite. Me menaçant de ne plus jamais. Elle m'a dit ne me parle plus jamais de moi de n'importe où. Ah merde. Mais donc là, en ce moment, je suis en train de. Mais t'avais dit quoi? Que j'avais payé. Tu reparles d'elle, c'est un piège. C'est toi qui es avec elle maintenant, c'est ça? Tu veux me faire tomber? Bravo, Eddy. Non, sérieusement. Non, mais après, je pense que les gens l'ont vu la vidéo, mais c'était sur je parlais d'un des tatouages. J'ai pas dit le prénom, mais après, bon voilà, ça l'a soudé. Mais moi, je savais que c'était. Et c'était normal. Ah, mais t'as pas dit son prénom? Non. Bah, les reins, là. En tout cas, une belle personne qui ne mérite pas qu'on dise son prénom. C'est 4 vérités. Eh oui. 1. Mathilde. Est-ce qu'elle serait pas en couple avec? Moi. Mister Série. C'est genre un couple diabolique. Du coup, on comprend pourquoi. Et donc, elle s'appelle Miss Série maintenant. Miss Série. Ouais. Et un troisième podcast. Donc là, c'est américain aussi, c'est en anglais. Allez. Et alors, c'est un podcast qui s'appelle Punch Up the Jam. Et ce sont. Ce sont deux personnes que vous avez peut-être connues sur Vine à l'époque. Ah, Sarkozy. Un mec qui s'appelle dont le pseudo était Electro Lemon et une fille qui s'appelait Miel ou Miel Monster hein, sur Vine. Personne. Ils faisaient quoi? Mais peut-être que les étaient quoi, oui, Adrien. Des Vines humoristiques. Américain. Non, mais pas genre Logan Paul où je fais le grand écart, c'est marrant quoi. Ok. Logan Paul. Si non, mais il va pas dormir, Logan Paul. Des gens très drôles et ils font un podcast ensemble parce que ce sont des amis dans la vie. Et en gros, le principe, c'est qu'ils prennent une chanson Et une chanson qui, en gros, est un peu bizarre, avec, mais des chansons très connues, quoi. Genre Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, par exemple, etc. Je connais pas. Et en fait, vraiment. Je plaisante. Et en gros, vraiment, il l'analyse, etc. Ils font des blagues sur les paroles, machin. Ils extrapolent, machin, etc. Bon, ce sont des gens très drôles, donc c'est okay, très drôle. C'est drôle. Là, en racontant, c'est nul. Mais c'est vraiment très marrant. Et à la fin. En gros, le principe, c'est qu'ils disent « Ouais, il y a des chansons, elles sont pas mal, mais on pourrait les améliorer. » Et donc, du coup, ils décortiquent la chanson, ils font des blagues dessus et tout. Et à la fin, ils font ils postent la version améliorée de la chanson, qui est en fait généralement un truc atroce ou génial, parfois. Mais en gros, ils réécrivent la chanson, etc. Et ils en font... ils la postent quand ils nous la font écouter. Et c'est vraiment très, très, très, très drôle. Ah, c'est et un bon concept, très hein, bien, okay. Quoi. Et ça, oui, c'est un concept reste... que j'ai envie de plagier. Ouais, on va le voler. Hein. On va et le ça voler, reste bon esprit. Oui, c'est, non, okay. C'est enfin, oui, oui, enfin, oui, c'est ça s'amuse plus que ça bâche. Oui, voilà. ça bâche. Le principe, c'est juste de souligner le enfin, tu vois, genre, le dernier que j'ai écouté, c'était Baby Got Back, I Like Big Butts, Sir Mix-a-Lot. Où vraiment, des fois, ils disent, c'est très, enfin, en fait, c'est ce qui est drôle, c'est que parfois, il y a des paroles, on n'y fait pas attention, et en fait, eux, quand ils disent, c'est vraiment très bizarre comme parole, pourquoi ils disent ça, etc. Okay. Donc, c'est vraiment très, très drôle. Voilà. Ok. Comme quoi, on peut faire des retours sur des musiques, s'amuser sans que ce soit du bashing. Parce qu'en France, il y a pas mal de chaînes qui juste font du bashing de musique en disant j'ai ah bah, mal au rap, par génial. Exemple. Ça critique les rappeurs. Moi, j'ai envie de dire non, ouais. Alain bashing, j'ai envie de dire. Non, oui. je pensais à quelqu'un d'autre, mais j'ai pas le nom. Ah, bah, il y a Monsieur Musique. Non, il y a Mister Music. Mister. C'est son frère. Non, je crois que c'est son collègue. Link de Sun. Ouais, peut-être, je sais pas. Voilà. Ah c'est, oui, ou c'est pas hyper bon esprit. Moi, ça me gêne un peu. Voilà. C'est un peu. Ouais, non, mais là, c'est vraiment. C'est pas de la critique du tout. Hein. D'accord. C'est vraiment juste faire des blagues sur le thème abordé dans la chanson et souligner le fait que ses paroles sont un peu bizarres, etc. Quoi. Je peux faire un tout petit. Lucien, tu es ici chez toi. Recommandation. Enlève ton pantalon. Ah, non, je t'écoute, pardon. J'ai rien dit, Lucien. Mais pourquoi tu me traites une toute petite recommandation pour le podcast de Sophie-Marie Laroui qui s'intitule. Oui, mais il est devant nous, il est devant nous, donc il n'y a pas besoin de lui faire de la pub. À bientôt. Il est devant au classement. Je l'ai écouté pour la première fois il y a deux jours. Est-ce que tu as réussi à écouter un seul épisode? J'étais en voiture. Ah. Donc quand j'ai garé ma voiture et j'ai eu le temps d'en écouter qu'un seul. Tu fais des tours de parking du coup pour écouter 3-4. Moi ça m'arrive parfois ce genre c'est de génial. Truc où j'écoute un podcast et c'est tellement bien que je suis arrivé chez moi mais je garde mes écouteurs, je suis assis comme ça et je fais rien, je suis sur mon canapé et j'écoute la fin. Ça m'est arrivé avec un podcast. Oh, un c'est trop bien. Moi je te recommande d'écouter tes podcasts en jouant à Fallout. Oh là, pour oui. multiplier le moi je suis moins concentré. Alors, ouais. Le problème c'est que Fallout, vous êtes moi faible. je cérébralement, vous êtes faible. Bah oui, mais en fait le son quand t'entends les raiders qui font hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu mets qu'un écouteur. Oh là là, ouais, non mais t'as un cerveau reptilien, toi, c'est pas possible. Moi je suis pas aussi puissant. Ouais. Bref, à bientôt de te revoir, c'est trop c'est bien. Très bien. Oui, c'est les meilleures interviews canapé que j'ai entendues. Ouais, et en plus là, si vous voulez mettre un pied dans la piscine, vous mouillez la nuque, j'ai pas l'analogie. Pas mal, enfin, en tout cas, il y a Adrien et moi, on en a chacun fait un, donc il y a plein d'autres gens, même beaucoup plus connus et beaucoup plus intéressants. Mais moins marrant. Mais Sophie Marie est très marrante, donc du coup, c'est vrai que même quand les invités sont moins marrants, elle assure une bonne dose de marrant. Voilà, il y a eu Hakim Jemili, il y a eu Christine and the Queen, il y a eu Ken Kojandi, il y en a eu plein d'autres. Non, Chris, pardon. Enfin, je sais Chris, plus. Maintenant, ouais, Chris maintenant, je crois. Chris Marquez. Il y a eu Chris Marquez, écoutez. Ce serait bien. J'adorerais. Chris Marquez qui est dans une série, je crois, Nathalie, qui est sortie. Mais il me semble que c'est Groom. Attendez. Ça m'étonne pas de cette série putassière. je voudrais revenir un peu en arrière, mais Sophie Marie joue aussi dans une série, il me semble. Ah oui, c'est vrai, Groom, elle a un rôle. C'est Groom. Peut-être Groom. Groom. Il s'agit de Groom, la série. Voilà. Eh bien, moi, écoutez, j'ai acheté un petit magazine, un hors-série des Inrecuptibles. Qui juge les 100 meilleurs clips. C'est Mister Clip qui... C'est Mister... Il y a Je sais pas danser. Alors, il n'y a pas Je sais pas danser, Nathalie. Ah, est-ce qu'il y a des clips de Spike Jonze dedans? Alors, évidemment, il y en a plein, mais il y a aussi des interviews de réalisateurs. Il y a aussi plein de petites anecdotes. Est-ce que vous savez, à votre avis, qui est le... Allez, dans le top 5. Vous auriez le top 5 de pour que les gens n'achètent pas des meilleurs clips de tous les temps selon les Inrocks, mais ils ont essayé de faire un truc top un peu 5. Moi je dirais The Hardest Button to Button de Gondry. pour les White Stripes. Alors, il n'est pas dans le top 5, écoute, mais je pense qu'il doit être quelque part. Est-ce qu'il est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un clip de Spike Jonze dans les 5 premiers C'est sûr. Putain, tu m'as piégé. Oui, genre, je crois. Oui, Fatboy Slim, Weapon of Choice, non, par exemple. Non, pas celui-là. Est-ce qu'il y a un clip de Michael Jackson Il y a un clip de Michael Jackson. Ah, il y a Thriller. Mais Thriller n'est pas premier. Thriller est troisième. Est-ce qu'il y a des clips de Fatboy Slim dedans Putain, tu me pièges. En tout cas, pas dans les 10 premiers. Un clip de Skrillex avec le pédophile, j'aime bien celui-là. L'enfant qui défonce le pédophile. Bien sûr, et puis tu connais le metteur en scène, je crois, Nathalie. Putain, je suis sûr qu'on va dire la même chose. Le metteur en scène, tu le connais, je crois. Ah oui, c'est le réalisateur du Manoir, le film qui a fait peu d'entrées. Non, pas si peu. En DVD, chez tous vos disquaires. 230 000, ça va. Ça va, on n'est pas dégueu. On a une proposition avec Adrien, on dit ensemble à trois. Non, parce qu'on va pas dire la même chose. Vas-y, tu m'as fait douter. Joule. Oui, c'est ça que j'allais dire. 3, 2, 1, smack my bitch up. Eh bien non, il n'y a pas smack my bitch up dans le top 5 non plus. Écoutez, je vais vous le dire. Est-ce qu'il y a Madonna? Il y a Madonna. Si t'as un clip de Fincher Je sais pas, putain. En fait, j'ai la liste, mais j'ai pas les réals. Allez, dis la liste. Celui avec Ali G? Non. Non, pas celui avec Ali G. Est-ce qu'il y a Lady Gaga? Frozen? Non, pas Frozen. C'est une chanson réalisée par Jean-Baptiste Mondino. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a le clip du Mia d'Ayam? Non, en tout cas pas dans les 5 premiers. Je vous dis non, les 5 premiers. C'était Michel Gondry quand même. Okay. Ah, je sais pas. Le 5ème, c'est bien Spike Jonze. Est-ce qu'il y a Party Night Relou de Mr. V? Non, il n'y a pas Party Night Relou. C'est Spike Jonze le 4ème? Le 5ème, c'est Spike Jonze. Est-ce que c'est Sabotage des Beastie Boys? Non, c'est pas Sabotage. Francky Vincent et Evangeline? Ah putain, mais attends, parce que Spike Jonze. Fin 90. Oui, bah oui. Il a lancé un jeu. Electro. Electro fin 90. On a dit pas Fatboy Slim. C'est pas Fatboy Slim. Chemical Bros. Non. Moby. Il y a pas 1000 clips de toute façon. Ouais. Ah putain, mais Spike Jonze. Moi j'avais Daft DVD. Daft Punk. Oui, Daft Punk. Around the World. Non, c'est Daft Punk. Daft Funk. Ah oui, avec le Lynch. Il est très sympa, mais sans plus. Ah, moi j'aime beaucoup. Non, mais vraiment. C'est la nostalgie. Ok, messieurs et madame Clip. Mister et Mrs., s'il te plaît. Quatrième, c'est Madonna avec Justify My Love. Et qui est-ce qu'il a réel? Mondino. D'accord, oui, Jean-Baptiste Mondino. Non, Scorsese, c'était Bad de Michael Jackson. Ouais. Troisième, non, Thriller. C'était Beat It, je crois. Non, c'est Bad. Mais peut-être pas. Bah, si, c'est Bad. Il a l'air vachement sûr de lui. Moi, j'ai lu le magazine. Mister Clip. Thriller numéro 3, John Landis. Pas ouf. Deuxième, c'est David Bowie. À votre avis, lequel? Je sais pas, tout est nul de Bowie. Un avis peut-être un peu chèque. J'égorge Adrien, je regarde tout de suite. C'était Ashes to Ashes, pardon. Ok, je connais pas. Et le numéro 1. C'est drôle parce qu'il y avait deux fois le même mot dans la phrase. Et j'ai raté les deux. Tu l'as dit de deux façons différentes. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas très bilingue. C'est marrant. Et le premier, fin 90, Aphex Twin, Window Licker. Bien sûr. J'ai pas c'est du un quoi. Classement c'est... de bobos, ça. Il n'y a pas Katy Perry. Window Licker, c'est des mecs qui roulent genre en Californie, là, au bord de la plage, dans des bagnoles de beauf. Et ils voient des meufs genre en bikini et tout. Et genre, ils les sifflent. Et quand elles se retournent, elles ont des gueules horribles de genre d'Aphex Twin. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu les clips. Ah ouais. Elles ont des visages atroces. Bah après, celui-là, Il était très, très bien. Très dérangeant. Quelle année 99, ouais, je crois, un truc comme ça. Alors, ouais. Et tu le mettrais dans un top 5, toi? Possible. Voilà. Mais là, en tout cas, il y a plein de mais choses. Il y a aussi Come to Daddy qui était bien de Aphex Twin. Aussi. Écoutez, là, en vrac, il y a My Name is d'Eminem, Freedom de George Michael, What's My Name de Snoop Doggy Dogg. Ah ouais? Song 2 de Blur. Où est-ce qu'il y a des coupons de réduction dans ce livre? Bah, dans ce magazine, c'est ce qu'on non, mais voilà, il y a savoir, des portraits. Il y a des portraits sur Romain Gavras, sur Marc Romanek, sur Jonathan Glazer. Donc voilà, si vous vous intéressez un peu aux clips, moi j'aime bien les clips, et ben, c'est très intéressant. Et donc voilà, là je vous ai niqué le top 5, donc en plus vous n'avez pas besoin peut-être de l'acheter, mais voilà, très le bon. Reste 95. Mais c'est intéressant. Ouais. Intéressant. Non, attends, combien coûte ce magazine? Ce magazine coûte 8,90€. Alors qu'un top chez Topito, c'est gratuit. Oui, et puis je veux dire, pour, allez quoi, 4€ de plus? C'est un mois d'abonnement. Non, mais voilà. Permets-moi de te reprendre. Oui, alors, oui, encore. Parce que j'allais venir. Ouais, mais voilà, vas-y. Le non, magazine, mais... tu peux pas le rendre. Alors que l'abonnement YouTube, tu peux l'arrêter à voilà, tout moment. Sans débourser un seul centime. Voilà. Les amis, on va passer à la suite de cette émission. Comme je vous l'ai dit, il y avait un thème. Le thème est très simple et en même temps très large. Arrête de toucher ces boutons, Frédéric Gladieux. Okay, il s'agit des années collège-lycée, plus collège, parce que c'est toujours un petit peu plus triste et dégueulasse. On l'avait déjà fait il y a très longtemps, ce thème, c'était avec Jack Parker, McFly et François Descraquès. Et évidemment, Adrien Méniel, qui était déjà là à l'époque, toujours dans les bons coups. J'essaie, à la fin de l'émission, je saurais bien le faire. Et pourtant, toi qui qui est un fan de Star Wars, tu devrais le manier à la perfection. Mais non, mais c'est pas pareil, c'est un silencieux. Oui, mais ouais, c'est pas un. Ouais, ouais. Mais en vrai, dans le générique, ça fait un peu un bruit de laser quand même. Non, je te permets pas. Ah, attends. Ah, pas mal. Vas-y. Ça fait ça. Hein, moi, j'aurais fait. Ah oui. Il paraît que c'est une légende, hein, ce bruit. Les silencieux, ça n'existe pas. Ah, ça, dans la vie. Ça ne fait pas. Oui, ça atténue très peu. On ne sait pas quel bruit ça fait, puisque c'est silencieux. Ça fait. Ah. Ou peut-être que ça fait. Voilà, vu que c'est un silencieux, non, c'est un silencieux. Ouais, silence. Ou peut-être que ça fait. Groom. Peut-être. Possible. Les années collège, lycée, Frédéric Gladieu. Je jingle. N'ai pas été à l'école. Non, voilà. Pas de jingle, c'est la bonne franquette. T'étais où toi à l'école, Frédéric Gladieu, si tu ne veux. Alors, est-ce qu'on peut juste faire une parenthèse? Ouais. On est d'accord que ton prénom n'est pas Frédéric. Ah non, c'est Freddy. C'est Freddy. Ouais, je sais. Non, mais c'est pour les auditeurs pour la blague, et les auditrices. Oui, oui. Non, ça n'est pas Frédéric non plus, ni Jean-Luc. C'est vraiment Freddy. T'es sûr, c'est pas Jean-Luc? Non, mais parce que ça aurait pu être un pseudo qui datait du collège, mais non. Peut-être. Mais non. C'est pour nous remettre sur les rails. Du coup, j'ai pas eu droit à un pseudo en fait. Ouais, t'avais pas de surnom au collège? Non. Freddy, ouais. Freddy, non, même pas. Freddy G. Il y a qu'une tante qui m'appelait Freddy, qui m'appelait Fred. Et c'était un peu. Il y avait un truc de. Alors les gens qui m'appellent Fred, ils ont envie d'un truc très, très proche de. Tu vois, aujourd'hui, tu as eu Eddie. Bien pod. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la première fois. Je suis ravi. Et la dernière, j'espère. T'es désagréable. Voilà. T'es odieux depuis le début, voilà. T'étais où au collège, Frédéric? Au collège des. Au collège, j'étais. au collège des gens désagréables. Non, j'étais. J'avais Mr. Prof en prof. Très sévère, très dur, très très dur. Vraiment. Il laissait rien passer. Est-ce que t'avais Mr. Principal en principal? Mr. CP. J'étais au collège Jean Vigo à Épinay-sur-Seine. Ça ZEP. Balance les noms. Il va t'appeler. Hein. Voilà. Il va te dire. Parle c'est pas la dernière fois que tu parles de moi, mec. J'étais en ZEP. De la 6e à la 3e. Monsieur a fait des études avant de partir en seconde, puis en BEP dans la foulée. BEP quoi? En BEP vente. Je voulais arrêter les cours dès la troisième. Chemise, vraiment. D'où les chemises que tu voles après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était censé les vendre. Mais déjà en troisième, mon vœu, c'était de faire un CAP mécanique carrosserie. En troisième. Okay. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire avec le tuning et tout. J'étais persuadé de ça à l'époque. J'étais ah, ouais. Dit, ah, tu t'es dit, ouais. Faut miser sur le tuning. Je me suis dit, le tuning, c'est l'avenir. Il y avait déjà Pimp My Ride ou pas? C'est le futur. Je kiffais pas tant que ça, mais je savais qu'il y avait des gars dans. T'aurais pu peindre le visage de ta mère sur un capot. Ça aurait été stylé. T'aurais dû continuer. En vrai, et mettre 7 écrans. En vrai, je me suis trompé. 7 écrans plats dans la voiture. Ouais, le tuning, il y a eu un gros. Enfin, ça a cartonné, ça s'est un peu tassé, j'ai l'impression. Et en termes de. Et taxi, je pense que ça jouait pas mal, le fait d'avoir un aileron. Ouais, l'aileron. Après, moi, j'ai eu un ex qui était fan de tuning. Oh, génial. Et qui, du coup, avait installé des boomers dans le coffre, à tel point qu'on ne pouvait plus mettre les courses dans le coffre. Ah, c'est et un choix. Aussi, également, anecdote, il avait un poste écran tactile que nous n'avions pas le droit de toucher et qu'il fallait manipuler avec la télécommande. Oh. Et voilà, j'étais une. Ah oui, ok. J'allais dire, après avoir vu la photo que tu nous as montrée tout à l'heure, je n'ai pas de mal à le croire. Oui, télécommande. Oui, oui. J'ai montré une photo de l'époque où j'étais fan de Gillo. Je pourrais la voir après. Ah, bien sûr, elle va te la. Tu vois, je suis arrivé en retard. Elle va te la montrer, mais ne t'inquiète pas. Ah bah, ah ouais, c'est une vraie photo, c'est même pas sur un téléphone. On va voir. Il y a un camelto. Physique. Elle était venue avec son camelto à l'époque. Pour les auditeurs, je suis. Il y a un camelto de lavande. Je suis tout de mauve vêtue. Oui, c'est ça. Épaule nue, je crois, de souvenir. Les cheveux gaufrés. Lèvres nacrées. Oui. Tu parles du camelto ou sourcils trop. Oh bah quoi, ça va. Oh, Adrien. Sourcils un peu trop épilés. Oui. Ouais. Moi, je la trouve très bien cette photo, mais la table qui est en premier plan prend vachement de place. C'est vrai. Je trouve c'est ça. Une table à repasser. Ça prend la moitié de la photo. C'est juste le cadre, moi, qui me. J'ai posé sur la table, personne pour. Ah, c'est un selfie avant l'âge. Oui, c'est ça. Avant l'heure. C'est toi qui l'as posé. Oui. Oh, retardateur. C'est un selfie retardateur. C'est très mignon. Chez vous, prenez une photo d'une personne et faites comme si vous étiez avec nous. Vous ne voyez pas la photo. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça très fort parce qu'ils peuvent se l'imaginer. Du coup, on l'a imaginé Nathalie avec tout ce qu'a dit Lucien. C'est spécial. Et on va la poster sur Internet. Afin de faire direct sur l'Instagram de Floodcast. Évidemment. Et tes années collège, Frédéric, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais plutôt populaire, plutôt pas populaire? Non, j'étais pas populaire, j'étais une sorte de mec middle. Ouais, il y avait pire. En fait, les mecs populaires, fallait qu'ils soient un peu violents. Et moi, j'étais pas violent. D'accord. Oh, ça les va. Mecs pas populaires du tout, fallait qu'ils se mangent des baffes. Et je les esquivais un peu. D'accord. Un peu dans l'entre-deux. Tu vois. Ouais. Et non, j'étais middle. J'étais le mec qui faisait un peu des blagues, quoi. Ouais. Et j'étais très bon de la 6e à la 5e. Vraiment bonne c'est bonne très élève. Court. C'est une année. C'est tu sais que c'est une année. Bon. Non, mais avant ça, comme l'école primaire, j'étais très bon oui, toute très la bon. Primaire. Okay. Voilà. Et 4e, ça vrille. J'ai envie de faire que des blagues. Et enfin, il y a ce truc de. En gros, moi, j'ai jamais été très scolaire. Ça m'a toujours fait chier l'école. N'allez plus à l'école si vous voulez. Bah, c'est le conseil de cette émission. N'allez pas à l'école. Faites des vidéos sur internet, ça fait vraiment moi j'y allais que pour m'amuser et dès que je m'amusais plus, j'avais juste. Cassez-vous les boutons, vous avez l'âge. Ça fera des millions de vues. Non, mais 4e, c'est un peu le turnover de plein de gens. Ouais, la 4e. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, la prison très vite. Ça fait 5e, t'es en cours, 4e prison. Ouais, très vite. 5e, c'est mortel, il y a des copains, 4e. Allez, je vais fumer des joints. Bah, c'était moi j'étais plutôt le mec sportif à l'époque. D'ailleurs j'ai fait une 3e calme-toi direct option sport. Ah, c'est à dire que je me suis dit qu'est-ce t'étais que un peux... footeux t'étais un footeux ouais j'étais un footeux ah, t'étais un footeux vraiment c'est vraiment un footeux foot, foot. Je pensais foot est-ce qu'à l'époque on aurait mis si t'étais décédé à l'époque on aurait mis il pensait qu'au foot ouais. Avec une tombe en forme de ballon, de ballon. Enfin, je sais, non de chaussure de foot mais juste la tête qui dépasse de la chaussure. Donc ouais, énormément de foot, quoi. Et donc que ça, donc 3e sport. J'ai redoublé ma 3e, 2e. Donc la 2e, 3e, c'était option EPS. Autant te dire qu'il y avait des mecs... déjà, je pense que tout le monde avait redoublé ou presque dans la classe et des mecs hyper actifs qui tenaient pas en place, quoi, sur leur chaise. Et c'était très marrant, mais t'apprends peu. Voilà, t'apprends vraiment peu. Et très tôt dans ma vie, je me suis dit, j'aurais jamais mon bac. Très tôt. Ouais. C'était en CM2. Tu t'es dit, c'est pas un objectif en soi. C'est vrai. Je me suis dit, je l'aurais jamais. Et voilà, ensuite, je fais une seconde où je m'ennuie énormément. Je me dis, il faut que je quitte ce lycée. Et pour quitter ce lycée, je me dis. Je rejoins Daesh. Je me retrouve. Ouais, effectivement, je me dis, en fait, le départ, c'est la Turquie. Je regarde un peu sur une carte. Je me dis, où est-ce qu'on peut se barrer, etc. Et là, vraiment, on me propose un nouvel avenir. Je me dis, franchement, laisse-toi. Et après, je me retrouve en BEP, en un an, en fait, parce que j'étais en seconde générale. Et là, en fait, je me retrouve à 2 heures de chez moi, 2 heures aller. À 2 heures aller. À deux transports en commun. 2 heures aller, transports en commun. 6 heures retour. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah, il passe par Lille. Ouais, là, c'est catastrophique. Et j'y vais la moitié du temps. Ah, tu sèches. Et ouais, je sèche. Et vraiment, j'avais, quand je rentrais de chez moi, j'avais un bus à prendre, un deuxième bus, un train, je vous jure que c'est vrai, un RER E, un autre bus. J'avais vraiment le plus proche de 5 moyens de transport. Et c'était le plus près de chez toi. Et c'était non, c'était pas le plus. En fait, c'était le seul dans 93. D'accord. Où tu pouvais faire un BEP en un an. Ah, c'était d'accord. Dans 93. Ouais. T'étais en 93 toi aussi. Ouais. T'étais où? J'étais à Livry-Gargan. Je sais pas que c'est en 93. Ouais. Bah, collège Léon Jouot. Ok. Oh, Léon Jouot qui est un. Critique de série. Ouais, voilà. D'autres rebelles un peu parce que toi je sens enfin qui était pas très école d'autres gens qui étaient pas très système scolaire. Moi j'ai eu exactement c'est marrant parce que j'ai eu exactement à mais part, du coup t'as pas dit où. Si il l'a dit à Noisy-le-Sec. Ah pardon. Noisy-le-Sec. Mais je l'ai pas dit où effectivement à Noisy-le-Sec. Très d'accord loin. Oui. Là où tu as rencontré le groupe La Caution d'ailleurs là-bas. C'est ça. Voilà, producteur de La Caution. Voilà. Non mais moi j'ai eu le même cheminement que toi en termes de très bon élève jusqu'en 5e et après en 4e la déchéance. Okay, pas Daesh, il y a eu quelques pas de foot, pas Daesh. Moi j'étais dans un quartier assez enfin dans une ville très bourgeoise donc Daesh n'avait pas encore son emprise voilà. Mais l'extrême droite. Mais oui, contre, j'ai rejoint le FN par contre. Ça oui. Ah, ça oui. Non voilà mais après j'avais pas trop de suite. Non mais c'est vrai que j'avais genre 6e 5e j'avais les félicitations et après la les féloches. J'avais les féloches. On appelait ça les féloches. Et après en 4e il y a eu cette période transitoire où en gros au conseil de classe il disait bon on lui met les félicitations mais on lui met aussi avertissement de conduite. Vous aviez ça vous ça, ah ouais, si ouais. Si ouais, genre t'étais ouais, bon mais trouble fait. Parce que je sais pas si c'est dans. Si, c'est avertissement de conduite, d'accord. Moi, au bout de 3, généralement, tu jartes. Il y avait avertissement de conduite et des travails. Oui, voilà. Bah, moi, j'avais pas. Oui, il y avait les deux. Ouais. Mais j'avais avertissement. Et du coup, j'avais eu avertissement de conduite les 2 premiers trimestres. Et du coup, ils ont. Le 3e trimestre, ils ont dit bon, bien, tu es collé 4 heures toutes les semaines. Oh pendant tout le trimestre. Pendant toute ta vie. C'est incroyable. Et donc, toutes les semaines, ils reviennent. Attends, c'était à quelle période de l'année ça? Eh ben c'était le troisième trimestre okay, de quatrième. Wow. Donc t'as envie de fuguer à ce moment-là, j'imagine. Bah un peu ouais, mais bon j'y allais en fait parce que moi j'ai jamais J'ai ça, jamais séché. Vous l'avez pas vu, pardon, mais Freddy s'est vraiment jeté en nage. Ah mais ouais. Non, mais c'est incroyable. Comment c'est cette punition? Non, mais moi, j'ai toujours eu un côté. Enfin, il y a des lois, on les respecte. Je me suis émancipé de ça un peu depuis. Mais à l'époque, j'étais très. Non, non, j'ai jamais séché une heure de cours jusqu'en première. J'ai séché une heure en première, c'est tout. Avant, c'était non, faut aller en cours, c'est comme ça et tout. Et donc, du coup, j'allais faire mes 4 heures de colle tous les mercredis matins. Ça n'avait aucun intérêt d'ailleurs. Ça n'avait aucun intérêt, personne n'était là pour veiller, je crois. Mais là où ils avaient été forts, c'est que mon meilleur ami, Florian, que je salue, parce qu'on est toujours copains, lui, il avait eu 2 fois avertissement de travail, lui. Du coup, il lui avait dit, tu seras collé tous les mercredis. Du coup, j'étais avec mon meilleur pote pendant 4 heures, donc on foutait rien, quoi. On faisait les cons et ça ne servait à rien. En fait, c'est mercredi après-midi, c'est ça ? Mercredi matin. Vous disiez, vous ferez vos devoirs comme nous, ça. Nous, on avait juste cours mercredi matin. Ouais. Voilà. Donc, normalement, j'avais pas cours, mais je me levais genre à 7 heures, quoi, le mercredi. J'allais faire mes 4 heures de colle tous les mercredis. En fait, comme une belle victime. Ça n'a servi à rien. C'était interdit de grasse mat pour le. Mais moi, j'ai même pas séché avant la fac. Hein. Moi, c'est à la fac où on m'a dit, mais vous savez que personne ne vérifie hein, si vous barrez. Là, très vite, c'était la débandade. Oui. Genre, comment ça? Donc, on se fait pas engueuler. Bah non, tout le monde s'en fout. Vous venez pas. Ok, terminé. Le pire, c'est de sécher une fois que tu te mets à travailler. Hein. Faut pas le faire, ça. Ouais. Se dire, non, j'y vais pas. Non, mais moi aussi, la fac, c'était ça aussi. Bon, enfin, c'est plus trop dans le thème. Mais c'est vrai que j'étais à la fac, ils disaient, non, mais tu sais qu'à la fac, t'es pas obligé d'y aller et tout. J'ai fait, ah, ok. Du coup, et un jour, ils m'ont dit, mais t'es pas venu ce matin? Je fais, non. Ils font, ouais, mais parce qu'il y avait un partiel, en fait. Ah, d'accord. Je fais, bon, je vais arrêter. J'ai arrêté au bout d'un semestre parce que c'était. Mais non, mais en plus, moi, pour le coup, qui viens de province, t'arrives à Paris, on te dit, oui, tu vas rester dans un amphithéâtre tous les jours ou alors. Te balader dans la plus belle ville du monde. Monde. Bah, vraiment, je vais plutôt faire ça, hein, c'est vraiment beaucoup mieux. Moi, en EPS, je me suis noté un truc parce que j'ai eu un souvenir un peu violent. Vous avez chié dans ton ben ? Non, j'ai chié, non, pas en EPS. Je chie pas dans mon ben dans toutes moi les non plus. Moi non plus. Vous aviez des profs, vous avez des souvenirs de profs un peu violents, Casburne, Vénère, ou l'inverse d'ailleurs, Robin Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus, genre, qui vous a inspiré. Et... Tous les profs de PS me haïssaient. Sauf, non, il y en a 2 qui m'ont bien aimé, mais sinon ils me détestaient parce que je faisais le con et voilà. Mais il y avait un truc, ouais, de comment dire. Moi, la 4e, en fait, c'est le moment où je me suis mis à me moquer des profs, quoi. C'est ça où je me suis dit. Non, mais où je me suis dit, c'est ça la force. Les femmes, surtout, parce que t'étais un lâche. Alors, attends, parce que j'ai pris mon journal intime. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et mais j'ai une anecdote sur un professeur, mais pas de PS. Donc, parler, je vais la. Moi, j'avais une ennemie jurée. En prof ? Ouais. C'était la prof de musique. Aussi. Elle s'appelait Madame Garnier. On n'est pas obligé de dire tous les noms, attention. Si, je dis. Bon, c'est pas grave. En même temps, elle était vraiment. Pas sympa. Pas cool avec des adolescents. Et donc. Rappelons que sa matière était la musique. Ouais, donc Calmos. C'est censé adoucir les mœurs. Ses mœurs m'ont l'air bien dures, moi. Non, mais je pense qu'elle était probablement un peu triste dans sa vie. Mais c'était mon ennemi juré parce que, bon, comme un peu nous tous autour de cette table, je crois, j'étais impertinent et je faisais un peu des blagues. T'écrivais une lettre au président ou pas? C'est une référence de hip-hop. J'aurais aimé avoir la suite. J'ai quelques mots de la suite. Et elle se croyait marrante, cette prof-là. Et donc, comme je la battais, entre guillemets, en vanne, elle eu me peur. Détestait. J'ai eu très peur. Comme je la tabassais. Non, mais quoi. Comme j'avais plus de répartie qu'elle, et ben. Ça s'est rapidement, réglé en battle. Ouais, non, mais au bout d'un moment, quand j'entrais en classe et que j'avais le sourire, elle disait. Mademoiselle, parce qu'elle m'appelait mademoiselle parce que j'avais les cheveux longs aussi. Ah, c'est merde. Horrible. Très classe. Elle disait, mademoiselle, chez le CPE. Ok, cool. Moi, j'avais un truc comme ça. Moi. C'était une prof d'histoire. Et bon, c'était toujours la matière où j'étais nul en histoire. J'ai eu 2 au bac. Et je crois que c'était en 3e. Non, peut-être en 4e. Enfin, peu importe. La prof d'histoire. Et vraiment, elle ne m'aimait pas. Et un jour, j'arrive pour aller en cours. La porte était ouverte et les élèves étaient en train de s'asseoir. Donc, je rentre. Et elle dit, bah non, tu vas au CPE, t'es en retard, tu vas chercher un billet de retard. Et je dis, mais la porte est ouverte, les gens ils sont en train de s'asseoir, je suis pas en retard, tout fait. Bon, tu discutes pas, tu vas. Donc, une injustice. Et ça, tu le vis bien en général, l'injustice. J'adore ça. Et en partant, j'ai dit, fais chier, un peu dans ma barbe. Oh non! Non, mais tu peux pas dire ça! Non, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne dites pas. Non, non. Faut pas dire fais chier. Et elle a entendu, donc elle m'a rattrapé. Là, t'as dû chier dans ton bain, toi. Elle était hors d'elle. Elle m'a dit, tu veux du papier toilette? La pire vanne, j'ai dit retour. Non. Là, j'aurais dû faire bah ouais, j'en veux, bah ouais, vas-y. Et après, on est allé dans le bureau de la principale et elle a dit oui, il arrive en retard. Je lui dis d'aller chercher un billet de retard et là, il m'a dit tu me fais chier. Oh, donc, double injustice. Mensonge. Ouais. Mais moi, tout ado que j'étais, j'allais pas dire non. C'est pas tu me fais chier, c'est fais chier, ce qui n'est pas, je me sentais pas de débattre sur de la sémantique. Alors que vraiment, en vrai, c'est pas pareil. Ça t'aurait disculpé. Ouais, en plus, toi, tu pensais ça fait chier. Ça fait, quand on dit fais chier, c'est ça fait chier. Ouais. C'est pas tu me fais chier. J'aurais jamais tutoyé. Donc, ouais, voilà. C'est comme dire merde quoi. Et dire oh, ça, je m'as traité de merde. Ça, t'aurais pu la tuer là-dessus. C'est comme Patrick, pu dire, si je m'adressais à vous, madame, j'aurais dit faites chier. Vous faites chier. Ouais. Non, mais donc. T'aurais pu la tuer. J'aurais pu, mais tu vois, t'as deux adultes qui sont. T'aurais pu la tuer physiquement et aussi lui mettre un coup de cutter. Je l'ai fait plus tard. Elle est actuellement dans la scène avec du plomb aux chevilles. Non. Et du coup, elle a convoqué mes parents. Pour dire Adrien est très difficile et tout machin, etc. Et du coup mes parents qui étaient divorcés et du coup, grâce à ça ils sont remis ensemble. Jamais ça marche pas. Ils se sont encore ils ont redivorcé encore plus. tu vas voir pourquoi parce que du coup ma mère est arrivée au rendez-vous et donc elle était face à face avec la prof, elles ont commencé à parler machin. Mon père est arrivé un petit peu en retard, ivre parce qu'il était alcoolique et ah oui c'est moins drôle là. Yes. Ils ont commencé à discuter. Mon père, qui était assez. Bon, déjà, qui était ivre, mais en plus, qui naturellement s'énervait assez facilement, a dit bon, je me casse parce qu'elle me casse les couilles, cette connasse, je crois, un truc dans ce genre-là. Il est parti. Ma mère est restée seule avec la prof après cet incident. Donc elle, du coup, elle a redivorcé de mon père après. Et donc, la prof a dit ah, bah, je comprends pourquoi Adrien et. Les chiens font pas des chats. Ouais. Tu devais être bien, toi, à ce moment-là. Et ensuite, t'as été collé. Moi, j'étais pas là, j'étais pas présent. Ah, putain, bah, j'ai de la chance, putain. Heureusement. Ah, c'est ta mère qui t'a raconté ça ? C'est ma mère qui m'a raconté ça, oui. Ah, est-ce que t'avais la version de ton père ? Parce que si ça se trouve, non, il non, a non, juste non, fait. Oh là là, vous m'emmerdez. Non, le père dit bah, pas du tout, je suis même pas venu, en fait. Non, pas conscience d'être venu. Quand ma mère m'a raconté ça, c'était tout à fait crédible. J'ai vraiment pas remis en question sa version, quoi. Donc voilà, donc assez. Madame. Non, pas Madame Prieur. Si, Madame Prieur. Encore une fois, on n'est pas obligé de dire non, ça. Mais elle est sans doute décédée déjà, c'était il y a longtemps. Mais est-ce qu'après ça, t'as eu un traitement différent de la part de cette prof ? Ou pas ? Non. T'imagines que c'est pire. C'est pire, imagine. Il est passé à 8 heures de colle par semaine. Où elle devient toute gentille. Alors Adrien, ça va ? Ça va ? Non, elle disait plutôt, bah alors le fils de l'alcoolo ? Bah génial. Devant tout le monde. Il est vrai que son père, il est alcoolo ? Ah ouais, il fait le malin, mais quand il rentre chez lui, c'est moins drôle. Non, mes parents étaient divorcés. Non, mais voilà. Voilà. Non, mais les profs. Je sais plus pourquoi les ennemis jurés chez. Il y avait Nathalie qui avait une anecdote. Alors oui, j'aimerais quand même recontextualiser. Mais Nathalie, du coup, tu c'est n'es beaucoup pas... moins hardcore que ce que tu viens de raconter. Tu n'es pas venu les mains vides. Non, j'ai mon petit journal intime. Des ça, stocks. Mais il s'appelle Cahier secret, ne pas toucher. C'est génial. C'est trop bien de garder ça. Yo, mec, sois cool, file 500 balles. Voilà, il y avait une sois cool, S-O-I-T. Oui, on ne va pas juger l'orthographe d'une adolescente. Est-ce qu'il y avait un cadre dessus. Bien sûr, mais moi, là je l'ai perdu. J'ai quelques questions. Quel âge t'avais ? Bah, c'est quand même vieux hein, pour tenir ça, j'ai l'impression. Ouais, bah non, il y a pas d'âge. Hein, c'est 21 ans. Tu sais, il y a des gens qui ont encore des cahiers intimes, enfin, tu vois, qui parlent de leur histoire des cahiers. Ça s'appelle des blogs maintenant. Là, j'ai 13 ans. Non, là, j'ai 13 ans, puisque c'est 98, année où on a gagné la coupe. Allez, les bleus, Zizou. Zidane. Alors, donc, je relisais ça, je me suis dit, putain, mais les profs, ils étaient parfois hardcore à l'époque. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous lire exactement ce que tu as écrit ? J'aurais adoré avoir un cahier, moi aussi. Putain. Le 28-03-98. Quelle poisse ! Alors, monsieur Georges Antome, qui était mon prof de mathématiques. Mais on dirait un village romain dans Astérix. Il m'a envoyé au tableau et je savais pas ce qu'il fallait faire, alors il arrêtait pas de me dire imbécile qui sait rien faire. Mais c'est dommage, l'humiliation. C'est horrible. J'avais envie de le tuer, mais bon. Point d'exclamation. Mais bon. L'après-midi, j'ai beaucoup pleuré. Oh. Parce que je m'emmerdais et que je regrettais de ne pas avoir. De petite sœur. Oh, pas, c'est triste. Oh, c'est rien horrible. J'aurais peut-être pas dû dire. T'as sauté un peu du coq à l'âne quand même. Il n'y a pas d'alcoolisme, mais c'est triste. En plus, oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir là-bas. Enfin, je me suis fait disputer et en plus, j'ai pas de sœur. C'est deux choses très différentes. Voilà. Donc, je ne sais pas si les profs se permettraient de faire ça encore aujourd'hui. Un petit hashtag dans la gueule, ça devrait bien les calmer. Moi, j'ai vu des profs qui ont craqué. Hein. Mais après, vraiment, ils étaient soumis à vraiment des vraies pressions de la part des élèves. Moi, j'avais un prof. Pardon, vas-y, Nathalie. Non, mais c'était au CP. Moi, j'avais un prof. J'étais en ZEP aussi, à Sevran-Bodot. Ouais, il y avait un prof qui avait pris un élève pour lui mettre une fessée devant tout le monde, genre sur son genou et tout, quoi. Mais moi, j'ai un souvenir, mais j'arrive pas à savoir si je l'ai fabulé parce que c'était grande section de maternelle. J'ai un souvenir d'être attaché à une chaise, mais de petit, et je te jure, avec un foulard, je te jure, genre tu tiens pas en place. Avec un foulard autour de la bouche ? Non, autour des mains. Genre attaché à la chaise. Et quoi. Après, on m'a versé du kérosène sur le visage et on a joué avec une allumette devant moi. Il a mis Stuck in the Middle with You, il a dansé. On m'a demandé où est le plan des Américains ? Où est le plan des Américains ? Je dirais rien, vous pouvez crever. J'ai craché une dent. Moi, je me suis pissé dessus. C'était en CE1. Bah vas-y, tu veux qu'on t'attende ? Mais moi aussi en CE1. À cause d'une maîtresse qui a refusé que je sorte aller aux toilettes. Ouais, voilà. T'as fait pipi sur ta chaise ? J'ai fait pipi sur ma chaise, sur mon jogging tout neuf et mes bottes. J'avais des bottes fourrées. Et j'étais. Attends, mais. Jogging, bottes fourrées ? C'est sympa. Je te rappelle que je suis né en 1980, donc on était en 86-7. Maintenant, tu serais presque stylé. Hein, ouais, je pense. Mes bottes fourrées étaient neuves. C'était la première fois que je les mettais. Et j'ai pissé fourré dedans. De pisse. Voilà. Ça me rappelle. Madame Cornu, merci. Vous rappelez vachement des noms. C'est horrible de faire ça. C'est horrible de faire ça à des enfants. Non, mais c'est à qui l'on ment ? À qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça ? Une énorme queue, il paraît. Moi, juste, ça me rappelle une anecdote. Alors, c'est pas moi, mais c'est un ami à moi qui s'appelle Frédéric. C'est moi. Ouais, c'est pas toi, tu t'appelles Eddie. Putain, c'est vrai. Et en gros, c'était donc un pote à moi. Mais bon, ben, là, moi, je suis perturbé parce que personne ne me regarde. Si, je t'écoute, pardon. Mais non, mais on ça, est là. On peut pas vivre. Pardon, je suis super tendu. On coupera d'ailleurs, je sais pas si c'est très drôle. Mais en fait, c'est une blague que j'avais vraiment trouvée excellente d'un pote. Il y avait beaucoup de mise en scène. En gros, avant le cours, il était allé dire à la prof, genre en aparté, personne n'était au courant. Il était allé lui dire, oui, excusez-moi madame, j'ai des petits problèmes de digestion. Enfin, je suis des petits problèmes gastriques, enfin intestinaux quoi. Et j'aurais sans doute besoin d'aller aux toilettes pendant le cours et tout parce que en gros j'ai la diarrhée et tout. Et elle lui a dit oui, bah écoute, pas de problème, mets-toi une table près de la porte, comme ça tu pourras sortir discrètement et tout. Ce qui était faux, hein, évidemment. Et donc lui, il est allé s'asseoir, pas du tout à côté de la porte, mais genre devant la prof au premier rang. Et il avait rien dit à personne, en fait. Donc moi, je trouve que c'est un plan génial. Et en fait, pendant le cours, il s'est mis à hurler, il a fait oh putain ! Et s'est levé, il est parti en courant. Et donc tout le monde était genre mais qu'est-ce que c'est ? Et on l'a plus jamais revu. Et donc tout le monde était mort de rire. Et la prof disait oui, bon bah ça va, il a des problèmes, c'est pas drôle et tout, alors qu'en fait c'était une excellente blague. Voilà. C'est trop bien. Elle est trop bien comme blague. Moi, j'ai fait semblant de tomber dans les pommes en quatrième. Parce que t'avais pas de petite juste soeur. Pour aller à l'infirmerie. Oui. Non, mais faire semblant de pas être pour aller à l'infirmerie. Tomber dans les pommes. Mais c'était nul, c'est trop mal fait. Et du coup, c'était un prof assez chelou qui s'appelait Monsieur Anne, ouais. Qui s'habillait tous les jours de la même façon, avec des pellicules sur les épaules. Ah, ça s'est fourni avec. Hein. Ouais. En fait, c'est fourni avec le costume. Hein. Les gens croient que les profs ont des pellicules. Et mais... je me rappelle, il s'était levé, il m'avait regardé au sol et il m'avait mis des petits coups avec son pied, genre pour voir si j'étais vivante ou quoi. C'est comme ça, hein, quand tu fais ton truc de premier secours, c'est ce qu'ils disent de faire. Mettez des coups de pied dans la personne. La pointe de la Santiago. Et finalement, deux complices m'avaient emmené à l'infirmerie, genre je jouais le mort. Et déjà, tu t'es trouvé une passion pour la comédie. Comédie. Et les podcasts. Et le prank. Oui. Nous. dans les profs horés, moi j'ai noté mon prof de EPS. Alors moi je viens de Bourgogne aussi, donc je sais pas si ça aggrave ou pas. Et ils sont racistes déjà. Ça, tu vas voir, on y vient. C'était en quatrième. Et alors en fait, il faut savoir que c'était un élève qui était dans notre classe qui avait des dents un peu proéminentes. Il avait un peu des dents qui sortaient de sa bouche. Ronaldinho. C'était Ronaldinho. Donc et en gros, il avait des dents qui sortaient. Et je me souviens, en EPS, je me le suis noté parce que la phrase est bien construite. Donc, on faisait des tours de stade. Et lui, il était un peu derrière. Et il lui avait dit, alors je vais dire un faux prénom, genre « Ludo, avec tes dents en avant, ta mère, elle a dû baiser un cheval. Tu devrais courir plus vite que ça. » Oh la vache. C'est choquant. C'est moi, je pensais qu'il dirait... C'est une bonne vanne. Je pensais qu'il dirait genre « Il y a que tes dents qui sont encore dans la course » ou un truc déjà. « Tes dents sont arrivées avant toi. » Oui, c'est ça. Ouais, voilà, tu vois, moi, je me suis dit... c'est clairement c'est ta mère a baisé un cheval. Oui, mais c'est ça. Et donc Ludo, je me souviens, à l'époque, voulait absolument faire une rencontre par en prof. Bah, tu m'étonnes. Parce qu'il a dit « Il faut vraiment que ma mère, elle gueule, quoi. » Et quand il l'a dit à sa mère ne l'a pas cru. Oh. Sa mère ne l'a pas crevé, donc du coup, il est resté seul avec... On blâme les victimes. Attends, tu veux dire parent prof ou... Waouh. Attends. Où tu veux dire 7 minutes maman cheval et prof. Quoi? C'est avec un cheval... Parent prof. Ah oui, d'accord. Ça m'amusait d'imaginer la réunion, elle avec un cheval et... Franchement, Ludo. Hey, je savais que ta mère l'avait mis avec un cheval. Une réunion jockey prof. C'est que cette scène qui m'amusait. Enfin, Ludo, je suis désolé. Mais toi, t'avais de la chance. Mais il a créé BoJack Horseman. C'était grâce à lui. Toi, tu dis que t'étais pas aux rencontres parents prof. Ma mère, elle m'obligeait de venir aux rencontres parents prof. Et c'est terrible de te faire juger par un adulte devant ta propre mère. Mais là, moi, c'était pas. Enfin, j'étais pas convié, quoi. C'était pour d'accord, parler. D'accord, c'était pour gueuler. Mais les rencontres parents prof, moi, ma mère, elle l'exigeait. Et il y avait une année où, genre, j'avais pas eu la moyenne. C'était très grave pour mes parents et elle avait exigé avoir tous les profs. Elle a très vite regretté. Vraiment quand t'as une prof de musique qui fait alors il fait bien de la flûte, on s'en bat les couilles. Oui, elle dit rarement c'est l'info qui est Florent Bernard. Bonne élève. Voilà. Rien d'autre. C'est marrant parce que vous parlez de parents profs. Moi, j'ai pas le souvenir que mes parents soient allés à une réunion. Pareil. Sans moi, en fait. Deux dernières années de collège, j'étais tout le temps convoqué. Parce que je faisais des bêtises, avertissement, tout ça, renvoi de 3 jours. J'étais une petite rebelle. Qu'est-ce que t'as pu faire pour te faire renvoyer 3 jours? La crise d'ado. Ouais. Je trouvais tout injuste. Vraiment, qu'on me dise ne passe pas par ce couloir. Ah ben c'est injuste, c'est un couloir, il est pour tout le monde, j'ai le droit de passer. Et vraiment, un jour j'ai fait ça, j'ai pris un couloir qui était interdit en disant j'ai le droit de marcher sur ce carrelage, il est à tout le monde. Et plein d'avertissements à la con jusqu'au jour où en sortant du bureau de la pionne, j'avais crié c'est qu'une grosse connasse. Pour amuser mes copines en plus. Et elle l'a bien sûr entendu parce que sa fenêtre était ouverte et j'étais à un mètre de son bureau. Et là, c'était le renvoi de 3 jours. À l'époque, c'est fat, renvoi de 3 jours. Renvoi de 3 jours, j'en viens, je faisais n'importe quoi. C'est l'équivalent de la tôle en prison. J'allais dans la loge des pions pour voler des biscuits. Mais Nathalie, la petite rebelle. Tu es allée très très loin. Oui, je suis allée très loin. T'es allée jusqu'au bac ou pas du tout d'ailleurs? Elle est devenue flic après. Oui, oui. Flic, ouais, comme quoi. Toi, tu devais être bien ripou. Moi, vous, le truc que je me suis noté, moi, c'est. Vous êtes tous de banlieue parisienne, en fait, vous, en termes d'école. Oui. J'ai fait l'internat dans le 77. Aïe. J'ai fait 2 ans dans le 9-3. Et du coup, j'arrêtais pas de sécher, d'aller chez les copains après les cours, même les après-midi. Ma mère en a eu marre, elle m'a foutu en internat à Sainte-Geneviève. Et c'est mieux les internats en termes d'ambiance? Vu que je n'ai pas de petite sœur, j'étais heureuse d'avoir cette famille. Ouais, c'était génial, j'ai adoré, c'était comme une colo. C'est vrai, mais tous les gens qui vont en internat, à chaque fois, c'est les meilleures années de leur vie. Vincent Thierry, j'en parle tout le temps en disant qu'il a adoré l'internat. J'avais ma petite chambre solo, mais des fois, on se retrouvait le soir pour dormir, boire même du Jet 27. Top, on coupe là. Pardon. On est en train de détruire l'image parfaite de Natou de YouTube et de Sainte-Geneviève. Non mais on est d'accord que c'est la période où t'as fait le plus de conneries. Mais encore bien sûr, évidemment. C'est toujours la genre tu fais beaucoup de conneries, on va te mettre en internat, et là c'est le crack. C'est l'usine à conneries. En parlant de crack, non. Non, pas du tout. Non mais c'est un peu comme la prison finalement après. Je jette un pavé dans la mare, mais la prison c'est un peu la même chose. T'as bien raison. T'as commis un crime, on va te mettre avec que des gens qui ont commis des crimes voire pire que toi. Ça va améliorer les choses. Après j'ai pas la solution. L'éducation, la solution c'est l'éducation, mon bon ami. Laissez-moi terminer. C'est le sport. Non, la peine de mort. Pas du tout. C'était pas du tout un internat pour mauvais élèves. T'en avais qui sortaient en demi-pension. C'était pas non plus le Jet 27. Je pense qu'il le sait mieux que toi, Nathalie. S'il te plaît. Lucien, toi t'étais quel genre d'élève à l'école? Alors moi j'étais élève très sage pendant tout le collège. La primaire, et après j'arrive au collège. Les 2 premières années, je me souviens, une toute petite anecdote. Oh, mais tu sais qu'on a tout notre temps, c'est vraiment le concept de l'émission. En 6e, je suis assis à côté d'un mec qui s'avérera ensuite être l'énorme intello, le mec le qui est vraiment très très République. Fort. Waouh, Macron. À peu près le même âge. Hein. Je suis même plus vieux que Macron, je crois. Non. Il a 40 ans. J'ai vérifié récemment parce qu'on m'a accusé d'être plus vieux que le président. J'ai dit non, quand même. Il a que 2 ans, c'est plus que moi. C'est dur. C'était au moment où on remplit les petites fiches de début d'année, genre profession des parents, machin, machin, quel est votre niveau scolaire et tout ça. Enfin, moi, il y avait ça. Donc, il y avait cette question. Comment ça, ouais, niveau scolaire? Tu dis, est-ce que tu as des bonnes notes ou est-ce que tu es un c'est peu horrible. Moyen moi, je ouais, c'est bizarre. De s'auto-évaluer, c'est particulier. Non, mais c'est surtout genre, ouais, ta gueule, que ça peut te foutre, tu verras bien, traite-moi comme, tu vois. Bah oui, mais en général, il y avait des... Enfin, en les cas, moi, dans les profs, c'est peut-être pour... donner plus d'attention à ceux qui ont un mauvais niveau. À ceux qui je n'ont pense plus que rien. C'est l'intention. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Après, ceux qui ont un très bon niveau, s'ils sont malins, ils disent qu'ils sont mauvais. Comme ça, ils ont toujours de l'attention et ils nous doublent encore, ces bâtards. Ça, c'est Macron, tout le ça. Long. Macron, tout c'est le long. Ça. Quand c'est malin, ça m'étonne pas. C'est ce que détestait mon frère. Mon frère a sauté une classe et vraiment, il était en mode, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que du coup, je galère. Il était genre trop fort en ouais, laissez-moi être à l'aise. Ouais, j'étais vraiment à l'aise et d'un coup, vous m'avez fait galérer. Moi, mes parents ont refusé que je saute une classe. Ah ouais, ah ouais, les profs ont dit, ah, il va sauter une classe. Et mes parents, ils ont dit, non. Moi, voilà. Mes parents ont essayé de refuser que je redouble. Et non, ça n'a pas marché. Et donc, je suis à côté de ce gars qui est inscrit sur sa petite fiche, qu'il a l'habitude d'être premier de la classe. Ouais. Et, tu l'as giflé. Moi, j'étais, non, mais j'étais déjà moyen, moi, à la primaire. Et donc, j'arrive, je vois ça sur sa fiche et je lui dis, ah, d'habitude, t'es premier. Ouais. Et je lui dis, eh ben, on va se disputer la première place. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie ce de challenge, me le mal alpha. C'est ça, le mal alpha des intérêts. Normalement, bon. Et dès le premier contrôle, il a eu genre 17 et demi, 18, et moi j'ai eu 9. Je dis, bon, ok, c'est mal engagé. Mais vraiment, voilà. Et c'est moi, vraiment j'ai match été... de foot, tu fais, mon pote, ça va être un match serré. Et engagement, tu te pètes la cheville directement. Non, il te met 6 buts, il te met 6 buts en 10 secondes. Voilà, donc... J'étais un élève vraiment moyen. J'ai environ 12 de moyenne. Et j'ai eu une fois les encouragements et tout le reste, des avertissements. Moi, j'ai jamais eu l'effet loche. Ouais. Travail et conduite. Wow. Et nous-mêmes, au CEP, ils nous filaient des cadeaux, je me souviens. Quand tu étais ah ouais les trois premiers, ils nous filaient des petits jouets. Bah, ça, c'est bien Startup Nation, ça. Des abonnements YouTube Premium. Bah non, c'est gratuit. Ah oui. Mais oui, non, je vous demandais si vous étiez tous de banlieue, parce que moi, bon, bah tant pis, on va passer vite dessus, parce que moi, je viens d'une toute petite ville, et je voulais aborder avec vous, Autun. Et il y avait un truc un peu relou qui est intéressant, je sais pas si vous avez vu, c'est de vieillir avec les mêmes personnes de tes 6 ans jusqu'à tes 18 ans. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux jamais vraiment changer trop ton image, ouais, ton image vis-à-vis des gens, parce qu'en fait, tu grandis avec eux, quoi. Et voilà, je voulais partir avec vous ce oui, truc mais terrible. Est-ce que par exemple, si t'as été un loser en sixième, c'est niqué jusqu'à tes 18 ans. Voilà. Est-ce que par exemple, quand tu changes d'établissement, parce que tu changeais quand même d'établissement, t'étais en primaire puis au collège, oui, mais puis vu au qu'il lycée, il y avait que deux collèges et un lycée, donc en soi, tu retrouves les mêmes en fait. Ouais, c'est une oui, très mais petite ville. Par exemple, dans le collège, il y avait des enfants qui venaient de quatre écoles primaires différentes, non? Non, de deux. Tu vois, c'est pas très petit. Ouais, très bah parce que sinon, ça aurait fait, tu sais, un renouvellement. Effectivement. Mais bien sûr. Il y a Bruno et Martine qui te connaissent depuis. J'ai des prénoms des années 70. Ton image de la province. Je m'appelle Nathalie. C'est pas le prénom de Navo et celui de sa mère que tu viens de dire? Si. C'est marrant. Oui, eux, effectivement, ils pouvaient te connaître depuis la primaire où ils disaient « Ah, Florent, il est un peu nul. Je suis dans son ben. » Mais s'il y avait eu des mélanges de... Non, malheureusement, non, c'était rien. Les mêmes. C'est ça le problème, en fait. Mais du coup, c'est intéressant. Si, mais tu changes facilement. Enfin, par exemple, le beau gosse du lycée, du collège. C'était pas toi. Alors. Et aujourd'hui... Ouais. Moi, c'est la dernière fois, j'ai eu un moment un peu gênant. Mon assureur, en fait, est toujours en Bourgogne. Je l'ai pas changé pour que j'en ai à Paris. Donc, en fait, quand j'appelle mon assureur, c'est encore rien de moyen. Comment s'appelle-t-il? Je sais plus. On dit les noms. Mais je sais plus. Je sais plus comment il s'appelait. Et en fait, j'ai reconnu au téléphone un gars que je pouvais pas blairer au collège. Et du coup, j'étais agacé de lui parler alors qu'il était vraiment gentil avec moi. Tu vois, il me disait non, mais là, le mieux, l'assurance pour votre, vu que c'est un 50 mètres carrés et tout, machin. Et j'étais genre, tu faisais des 50 mètres carrés, connard. C'est les problèmes des petites villes, en fait. C'est que tu grandis avec les mêmes. T'as déjà vécu des petites vengeances de. Des mecs qui te maltraitaient un petit peu au collège? Non, et qui te recroisent maintenant et que t'as du succès et que tu fais des trucs que beaucoup de gens admirent et tout ça? Non, parce que je les ai perdus de vue, en toute honnêteté, les gens qui me faisaient vraiment chier. Même pas, genre sur Facebook, des gens qui disent « Hey Flo, tu te souviens, on était ensemble en 5e ?» Oui, je me souviens, tu me lattais les couilles, connard. Il n'y a pas trop de gratteurs, écoute. Non, franchement, même pas, j'ai même pas cette petite satisfaction. Moi aussi, j'ai un mec qui est revenu me parler, mais c'est un mec qui m'avait mis un vent énorme. Donc au collège. Est-ce que c'était un vent en rigolant? C'était incroyable. Non, parce que moi, quand j'étais au collège, je croyais que je vivais dans un clip. De Jello. Oui, vraiment. Oui, on a vu. Et donc, il y avait un mec qui me plaisait. Et j'avais attendu, on était dans la même classe, et j'avais attendu la fin du cours, donc tout le monde rangeait ses petites affaires, tout le monde est parti, on s'est retrouvés tous les deux tout seuls. Et genre, je suis allée vers la porte, je l'ai claqué, et j'ai vraiment fait une démarche féline vers lui. Et je lui ai dit, tu veux sortir avec moi ? Mais vraiment, avec un truc théâtral de claquage de porte et tout, genre femme fatale, et il m'a juste dit... Non. Et puis, il a rangé son compas, sa petite gomme, il a fermé sa trousse. C'est genre avec un regard de 7 centièmes de seconde. Il a mis son sac à dos, il est parti, je suis restée toute seule. Oh. Voilà. T'as rouvert et t'avais même fenêtres. Pas de petite sœur et pour donc en parler. Et donc ce mec m'a recontacté sur Facebook en me disant ouais, ça va, je vois que. Enfin, c'est cool. Pour oui, il l'a pas fait genre, tu te souviens, non. Ce truc trop marrant où t'as dit que. Bah, non, bah ça non, y est, je suis chaud maintenant, vas-y, go. Et je suis aussi chauve. Car j'ai maintenant 30 ans, j'ai perdu mes cheveux. Ça me fait pas trop marrer, ça. Je regarde sur la calvitie, c'est. Mais t'en es loin. Non, mais, rien, par contre, mais par contre, non. Oui, le truc des amoureuses où tu te dis, ah bah maintenant je vais leur montrer que. Et non, bof. Bah, elles ont toutes des enfants. La Bourgogne, toujours, hein, mais elles ont toutes des mômes. Bah, Freddy aussi, en revanche, non. T'avais l'air de réagir, genre, ah, moi, par contre. Ah non, j'allais dire la même chose. Moi, pendant tout le collège, j'étais amoureux d'une meuf. Ouais. Ouais. La même meuf pendant tout le collège. La même meuf, à partir de. En fait, on était dans la même classe, de la 6ème à la 3ème, quoi. Ok. Et on s'envoyait des lettres. Ah, quand même! Ah, vous étiez ah, quand même! Ouais, ouais. Ah, oui, c'était mais pas en sens unique. En fait, on n'osait jamais faire quoi ah ouais, que ce soit. Ça roulait des pelles. Ouais, ça roulait des pelles quand même. On avait l'air vachement mignon, mais Frédéric, en fait, on sait que tu l'as doigté. Même pas. Est-ce que vous vous teniez la main entrelacée avec les doigts? Non, parce qu'en fait, moi, je voulais pas sortir avec les meufs de mon collège. Il avait une éthique. Non, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est trop. Pas au boulot. Non, mais c'est trop de. Tu sortais avec. Mais c'est trop de responsabilité. D'un autre lieu où tu croisais ma meuf, c'est-à-dire nulle part. Donc, voilà, c'est ça. Je sortais avec personne et je jouais au foot, rappelez-vous. Oui. Ah, donc normalement t'as une c'est vrai qu'on s'écrivait des lettres d'amour. Je jouais au foot. Ouais, si mais on s'envoyait pas des textos, on s'envoyait des textes. Ouais, c'était plus des lettres hyper c'était vraiment très sexuel. Tu vois, c'était ouais. En fait, mais ça c'est le foot, il avait des sextos en lettres. En gros, elle m'écrivait un truc sur elle m'écrivait quoi. On se le filait dans la classe de manière hyper alors pardon, elle écrivait quoi du coup des sextos un c'était, peu c'était ton pénis j'aimerais l'avoir dans la pénis. Bouche attends mais t'avais quel âge c'était au collège mais non ah mais dès la quatrième moi je ken tout le monde j'ai découvert j'avais une bite à 17 ans moi c'est fou ah bon non mais dès la quatrième on a tous envie de chacun moi non moi j'ai de la merde mais chacun okay. Évolue à son rythme moi, j'ai moi je pense que de la quatrième jusqu'à aujourd'hui j'ai pas enfin je pense que j'ai les mêmes envies depuis la quatrième non mais en vrai si oui. Plus ou moins oui. Oui oui non mais l'envie est là l'envie d'avoir envie d'ailleurs parce que d'ailleurs j'entends des fois des meufs qui peuvent dire non mais il a que tel âge et je dis mais à cet âge là moi j'aurais eu très envie de te sauter de déshabiller et t'aimer bon voilà et on s'envoyait des lettres on s'échangeait des lettres vraiment enfin c'était très très cru chaud quoi. Et en gros, je la lisais dans mon bah, pénis quand même. Non, mais je la lisais chez moi dans les toilettes. Oui, bon, tu devrais j'écrivais. Ouais. Tu devrais venir. Voilà. D'accord. Lui aussi, il est venu. Non, je déféquais, c'est tout. Rien d'autre. Oui. Ça, c'est et l'amour. J'écrivais à nouveau. À l'encre de son sperme. J'écrivais à nouveau. Ce sera le titre de l'épisode. Et je l'écrivais à nouveau et c'était vraiment, c'était plutôt très, c'était assez hardcore quoi. Putain, mais mec, et c'est fou. Il y avait ce truc qu'on trouvait toujours le moment de. C'est pas si fou que bah, ça. J'étais en quatrième. En même temps, t'avais redoublé 5 fois. Il avait 32 ans. Oui, ouais, non, c'était en quatrième et on s'échangeait ces lettres-là, mais de manière hyper discrète, personne n'était au courant. Et un jour, quelqu'un voit cet échange dans la classe. Oh. Et c'était un peu le gars un peu street de la classe, tu vois. Ah, donc il a Yaya, qui avait redoublé 2 fois. Il lisait Le Parisien. Voilà déjà il y avait un travaillé à l'usine à mi-temps il avait des enfants au collège il était en 6ème et il y a toujours un gars vraiment vieux dans une classe il y en avait deux qui étaient majeurs il y en avait non, un gars très sympa des mecs bien il y avait un gars qui était des mecs cool en vrai ouais, qui vont vite non mais tu vois des mecs cool il y avait un gars qui était adorable nous et son but était de sauter la prof remplaçante qui était je crois qu'elle avait 5 ans de plus que lui il disait franchement c'est jouable de ouf 5 ans à quel âge bah je sais plus elle avait 24, 25 et lui il avait 19, 20 ah oui ah oh oui, c'était jouable beaucoup c'était jouable. Oh ouais c'était jouable de ouf pardon excuse-moi Frédéric non mais là c'était au lycée c'était au lycée pardon 5 ans c'est jouable et c'était son but ultime et donc il voulait tous avoir son bac lui il voulait baiser la prof Yaya trouve tes donc correspondances donc bref il lit ce truc c'est la honte de ouf parce qu'on se dit putain personne n'est au courant de ça et donc bref et en gros chez moi j'avais une sorte de pile de lettres hyper crues où c'était vraiment du cul quoi que tu édites je crois d'ailleurs en décembre chez Alba Michel. Et ben non, parce que du jour au lendemain, ça a disparu chez moi. Oh et donc, J'imagine que c'est ma mère qui est tombée dessus. Choquée. Tu vois, et j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, non, évidemment. Non, et j'en ai jamais parlé. Je t'en supplie, parle-en à ta mère maintenant. Mais non, même aujourd'hui, j'y arriverai pas. Mais si, bah moi, je fais. Même aujourd'hui, j'y arriverai pas. On l'appelle. Je pense que c'est le gars. On l'appelle en direct. On peut faire ou pas, non? Ah, ça sera trop bien. Ben non, je pense vraiment qu'elle va dire bah je vois pas de quoi tu parles. Non, elle va nier, elle va nier. Non, je pense, c'est sûr. Ça, c'est le genre d'anecdote dans la famille. Si elle est proche de ses frères et sœurs ou je sais pas quoi, elle l'a raconté, c'est sûr. Elle fait oh, vous savez pas ce que j'ai fait. Mais dans un truc, ouais. Je suis sûr qu'elle s'en souvient. Si elle s'en souvient, c'est sûr et certain. Bah voilà, mais en tout cas, c'est fou ces trucs-là. On est sacré un truc. Cette meuf, je l'ai recontactée sur Insta par la suite. Par hasard. Et elle avait un enfant. Bah oui, ça c'est fou. Et un homme. Ah oui. Avec. Voilà, mais tout prêt, quoi. Vraiment, elle est enceinte. C'est un truc de bon, c'est compliqué. Son enfant était un homme. Son futur, un futur homme. Oui, ça crée peut-être un peu des silences, enfin des trucs non-dits dans la famille, des non-dits dans la famille, avec la mère. Ouais. Moi, j'ai appris là d'ailleurs ce week-end que ma mère écoute tous les Floodcasts. Ah. Ce qui remet un peu en perte. J'embrasse d'ailleurs, car elle est amoureuse de moi. Et elle est un peu amoureuse d'Adrien. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on est très proche au niveau de l'âge, la mère de Flaubert et moi. Oui, même physiquement, là, elle est très. Elle est là, elle est sur les genoux. Soso. Non, c'est vrai, c'est un peu notre blague avec Adrien, c'est que Adrien est plus proche de l'âge de ma mère que du mien, techniquement. Donc, on peut avoir une belle histoire d'amour avec elle. À quel âge ta mère? Ma mère a, j'ai 27, donc elle a 37 ans. Ah, elle est hyper jeune. Non, 47 ans. 47 ans, oui, 47. Non, sinon elle a 10 ans. Ah, c'est très jeune. Qu'elle est, c'est vraiment là. Elle a 47 ans. Elle est très jeune. Et tu parlais d'échange de lettres d'amour, moi aussi j'en ai retrouvé. Et je me suis rendu compte, enfin, je sortais vraiment avec la grosse racaille, le mauvais garçon du collège. Voilà. Mais par contre, les lettres d'amour, elles étaient horribles. Il m'écrivait ma grosse chienne. Ah non, c'est ce qu'on s'écrivait. C'était très bien ça. Fallait pas l'interpréter comme ça. Pardon. Sofiane. Ah, c'est Fianso le rappeur. Incroyable. Le rappeur Fianso. Et moi, je lui répondais ouais, mais c'est toi le petit chien, gros bâtard. Enfin, c'était nul. L'amour vache. Vraiment, un échange très violent et Jay-Z nul. Et Beyoncé. Ouais, c'était une manière de dire qu'il t'aimait bien. Ouais. Bah, c'était, ouais. Ouais, c'est maladroit. Il y avait une certaine maladresse dans les mots, mais ça reste de l'amour. Ça me rappelle les paroles de Jeune Demoiselle de Diams où elle dit quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Ben, tout à fait ça. Moi, à l'inverse de Freddy et apparemment Nathalie aussi, j'étais pas sexuel du tout. T'étais fleur bleue. Collège. Non, mais c'est juste que j'ai découvert l'expression avoir la gaule en quatrième. Oh. Et vraiment dans un couloir, c'était il y a une prof, on avait une prof de maths. Alors, qui attends, était. Attends quoi? Vous avez la gaule. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette gaule? Oui, ça veut dire ça. D'accord, oui, je comprends. Ah d'accord. Non, on avait une prof de maths qui était sexy, donc qui était un peu jeune et plutôt bien gaulée et tout ça. Et un pote de classe me dit putain Madame Machin, je me souviens plus de son nom. J'aurais dit si je m'en souvenais. J'ai rien dit. Je sais. Madame Machin, franchement, elle est bonne. Souvent j'ai la gaule. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai fait, moi aussi. Hein. Et je savais pas du tout. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas de. Et après, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on aime bien quelqu'un physiquement? Ouais. Ça, donc ça doit être ça. T'as cru que ça voulait dire transpirer. Et du coup, après, en sport, t'as dit, j'ai la gaule, monsieur. C'est bien. Et ouais, l'athlétisme, ça fait avoir la gaule. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, une petite recherche Google, et voilà, on sait. Alors oui, qu'à l'époque, il fallait réfléchir. Ouais, parce que même dans Larousse, ça y était pas. Hein, ils ont tout cuit dans le bec. Là. Ah ouais, tu penses? Bah oui, parce que justement, la gaule, on pouvait dire. Pourquoi la gaule d'ailleurs? Ouais, tiens. D'où ça vient? C'est César. Laissez-nous des commentaires en barre d'infos. Mettez des pouces bleus si vous savez pourquoi la gaule. Moi, je vais chercher en live pour vous parler. Parce qu'il n'y a rien de plus beau. La France et puis la... Non, je sais pas. Merci Eric Zemmour à enlever votre masque. Franchement, c'était bien fait le maquillage. On y croyait depuis le début. Votre prénom n'est pas français. Moi, dans les, y avait une. Ouais, moi j'avais une amour, enfin une amoureuse. Moi, c'était au lycée parce qu'au collège il y avait rien. Et au lycée, il y avait ce truc très bizarre. Moi, j'ai perdu. Oui, mais on parle pas de lycée là. Oui, bah écoute, moi j'en reparle. Il avait mis collège/lycée. J'ai mis collège/lycée dans le texte. Ah d'accord. Mais okay. Oui. Ah, je pensais que ça allait basculer vers le lycée. On peut parler de drogue et tout. Tu peux, Nathalie, je t'en prie. Prison moi. Et donc j'avais une nana au lycée et moi j'ai perdu ma virginité bien plus tard, c'était à la fac. Et au lycée, il y avait ce truc très bizarre. On se voyait tout, on était dans le même lycée et on se voyait les samedis et on se frottait en se touchant le corps, mais il n'y avait pas de baise. Et je crois, avec le recul, que c'était vraiment juste un truc de l'un et de l'autre qui attendaient que l'autre fasse le premier pas. Et on est parti sur 6 mois de rien, de gens qui se frottent. C'est ce que les Américains appellent tantrisme. Dry hump. Ah. C'est-à-dire donc on se baise avec les vêtements, quoi. D'accord. À sec. Mais ça frotte littéralement. Ça fait extrêmement mal. Ah, oui. Et puis surtout, après, t'achètes tes vêtements en fonction d'eux. Parce que c'est quand même. Mais carrément, jogging. La soie, d'un coup, t'es tout en soie, tous les jours. Tu dis, ça coûte cher en plus. On y craint. Souvent, je sais pas pour les filles, mais les mecs, quand on est excité très longtemps et qu'on n'arrive pas à jouir, qu'on n'arrive pas à l'éjaculat, on appelle ça les couilles bleues. Ouais, ça fait très mal aux couilles. Et ça fait vraiment mal. C'est difficile de marcher et tout, quoi. Non, mais donc, t'as dû vivre ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et même de frotter la teub contre le jean. Enfin, de l'intérieur, c'est vraiment, c'est pas du tout agréable en fait. Ouais, et du coup, oui, voilà. mais t'étais chaud de faire. Et j'ai même pas vu, c'est ça. Et je n'ai même pas vu, c'est ça. Tu les as touchés ? C'était quel âge ? Non, j'ai touché tout autour. Bah, 17 ans. Ah, vous avez pas fini ? Vous avez pas fini par faire quelque chose ? Non, on n'a pas fini. Bah, en fait, moi, je me suis rendu compte après que c'était vraiment. Faire peut-être avoir une meuf avant la fac quand même. Du coup, c'est quoi son nom qu'elle te retrouve et qu'elle t'envoie un message ? Nadine Morano. Non, mais donc voilà, c'était très triste. C'était très triste pour au final se faire branler à côté d'un pote à la fac. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Ce sera l'épisode ah oui. Université. C'est génial, ça. Oui, bon, okay. Tu m'as regardé avec un regard. Ouais, c'est génial. J'imaginais ce truc-là. C'est génial. Bah, c'est très risqué, d'ailleurs. Mais... A priori, avoir la Gaule, ça viendrait de la Gaule, la canne à pêche qui s'appelle une Gaule. Plier les Gaules. Un bâton tendu. Voilà. A priori, ce serait ça. Okay. Ah, ok. Et est-ce que vous avez mis, alors je suis un peu sur les questions, parce que les auditeurs sur le Discord de l'émission ou sur le Curious Cat de l'émission posent la question, est-ce que vous avez mis des crampes, vous ? Est-ce que des gens sont venus vers vous et vous avez dit, pfff, n'importe quoi, moi, jamais je sors avec toi ? Très tôt en primaire. Alors Freddy, je t'écoute. Pardon, très tôt en primaire, il y a. Je vais pas te dire son nom. Non, mais on dit pas. C'était Yaya, non ? Non, mais c'était une de mes voisines dans l'immeuble et elle m'avait balancé un petit mot en disant, est-ce que tu veux être mon amoureux ? Oui ou non. Oh. Et donc, bah, je l'ai récupéré, j'ai répondu chez moi, j'ai sonné chez elle, j'avais entouré de noms, je l'ai filé à ses parents, et apparemment, elle s'est faite un peu démonter. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'était trop mignon. Parce qu'il était raciste. Je sais pas. Tu étais d'origine. Personne ne veut te baiser, ma fille. Je pense que ses parents n'ont pas trop aimé ce truc-là. Les parents n'ont pas aimé. Fait au moins réprimandé. Putain, voilà. C'est très bizarre. Ah oui, genre, c'est trop jeune pour avoir un amoureux, quoi. Mais je pense, oui. Putain. Moi, on avait 6 mois. Hein. Moi, j'ai mis peu de crampes à cette époque-là parce que vraiment, j'avais peu de succès. Mais une fois, j'ai mis une crampe à une meuf pour la pire raison et je l'ai extrêmement regretté 6 mois plus tard. Je recontextualise, je redouble ma 3e. La honte. Pardon. Déjà la honte. Ouais, mais ça m'a qualifié directement dans les cools. Ah, ok. Ah oui, bah oui. Bah, oui quand tu redoubles, t'es un cool. Ouais. Donc, j'étais chez les. J'ai morvé sur le micro, merci. Donc, j'étais chez les cools, début d'année. Je vais à une boom, on appelait encore ça. Oui, bah oui. Parce que vraiment, je suis vieux. Et donc, je repère une nana qui est extrêmement mignonne. Et quoi ? Une petite pépée ? Une petite pépette. J'ai jamais entendu qui ça. Qui s'appelait Émilie, ça lui fera plaisir. Et donc, il se trouve que je lui plais. Et genre, elle veut danser avec personne, sauf avec moi. Et donc, tout le monde me dit, mec, putain, Émilie, elle veut trop te pécho et tout. Je dis, ouais, mais... Enfin, à l'époque, on disait, elle veut trop te... Elle veut trop sortir avec toi. Elle veut trop sortir avec toi et tout. Je dis, ouais, mais elle est mignonne, mais... Elle est en 4e. Et donc, comme j'avais redoublé, ça voulait dire qu'on avait 2 ans d'écart. Okay, c'est parce que dans mon et c'est x7 au collège. Voilà, c'est ça. Dans mon manuel, 1 an d'écart, c'était OK. Ouais. Mais 2 ans d'écart, tu vois, donc comme elle était en 4e. Même un an d'écart, nous, c'était vénère. Hein, ah bah moi, à 15 ans, j'ai fait l'amour avec un enfant de 13 ans, du coup. J'étais déjà en mode cougar. Oh, mais je juge pas, moi. Ah. Et donc... On voudrait dire à ce mec de 13 ans, bien wesh. C'est tellement déjà à l'époque. Mais parce qu'il m'avait séduit en me disant, en criant dans la cour, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Et du coup, ça m'avait séduit. C'était une question. C'est génial. Ah, c'était une question. Non, c'était une déclaration. Okay. Oh, il avait osé. Cyrano, le gars. 8 mois ensemble, quand même. Ah, joli. Et on s'était offert. Faut dire que t'avais tout ce qu'il faut là où il faut. Oui, et on s'était offert l'un à l'autre au bout de 7 mois. Donc, oh, vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Ah, ouais, oui. C'était pas. C'était tellement nul, ça avait tout gâché. Oh, pas ouf. On arrête. En même temps, à 13 et 15 ans, ouais, normal d'être un peu. Oui, mais tu vois, au moins, c'est fait après. Oui, c'est vrai. À 13 ans, pour la première fois. C'était le stage-là, moi, j'avais découvert Entrevue, le magazine. T'as des Freddy et outre. Moi, j'ai dit 14 ans. On m'avait dit à 14 ans, il avait 13 ans. On m'avait terminé. Je voulais dire que c'est sadique et tu disais rien alors qu'il avait 13 ans. Oui, mais toi, t'étais un hardeur. Tu disais, ouais, je te... Oui, mais toi, non, mais toi, c'était les lettres d'amour ouais, de, cul. De cul, quoi. C'est censé être mignon, et toi, tu t'as dégueulassé ça avec ton sperme, donc c'est ça aussi. Donc, Lucien, pardon. Oui, oui. Et donc, je lui dis, ah non, je suis désolé, t'es très mignonne, mais bon, je préfère pas qu'on sorte ensemble. Ok. Ça va, poli. Ouais, non, mais j'allais pas être un sale type non plus. Ouais. Et 6 mois plus tard. Vraiment, et en plus on traînait dans le même groupe de potes, on s'entendait bien et tout, et j'apprends par quelqu'un d'autre que elle aussi a redoublé. Ah ben oui, je l'attendais. Oh, le twist, le con. C'est-à-dire que d'un seul coup on n'avait plus qu'un an d'écart, et, là, et ça, donc ça devenait là, ok, ça pour moi, et là, et on là, dit ça rentre D-Wad. Pardon. Et là, non. Et là pardon, elle était absolument totalement passé à autre chose. Ah bah oui, bien sûr, voilà, évidemment. Bah, et je suis resté amoureux de cette fille pendant bien un an parce que j'étais bien dans le cliché du romantique échevelé, complètement nul. Rôliste. Et donc j'ai rôliste et amateur de grunge, donc vraiment la dépression totale. Et voilà, nul. C'est une belle histoire, vraiment le râteau stupide. Excuse-moi, il s'est passé des choses à ma droite. Je viens de remarquer qu'on a les mêmes chaussures. Oui, on était contents. Voilà. On fait un check. Allez. Yes. Un check de pied. Yes. Alors c'est une question qui n'a rien à voir, mais je trouve intéressante. Mais oui, juste... pardon, excusez-moi. J'ai souvenir d'une seule et c'est très rapide, mais c'est juste que moi j'étais vraiment pas du tout au fait des rituels amoureux et des choses à faire. Des parades. Et des... Voilà, exactement. Et j'étais à une boum, donc. Et il y a une fille qui, du coup, je pense, enfin, je lui plaisais, mais je n'en avais aucune idée. Et elle était venue me voir, elle avait dit « Tu veux danser ?» Et j'avais pas envie de danser, et je savais pas qu'il fallait dire oui, en fait, quoi. Tu vois que c'était pas sympa de dire non. Moi, dans ma tête, c'est genre, bah, elle me propose... En fait, le truc, c'est que je pense que j'avais tellement peu confiance en moi que je me disais, bah, elle est sympa de me proposer, mais en fait, ça va, quoi. Du coup, j'ai dit non. Et elle est repartie, genre, hyper triste. Et mes potes, ils étaient genre, oh le bâtard, t'as dit non. Genre, bah quoi, bon gosse. Ils ont créé une chanson qu'il lui a envoyée. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était. Mais t'aurais eu envie ou pas? Pas de regret? Non, parce que j'ai dit non, vraiment. J'avais. Enfin, mais en fait, c'est juste que. Je sais pas, en fait, normalement, t'es sympa, tu dis oui. C'est hyper dur pour elle, quoi. Tu vois, obligé. La question de Flo, c'était. Si elle t'avait dit, est-ce que tu veux sortir avec moi, t'aurais dit oui ou non? Non, te plaisait pas quand même. Non. Mais si elle te plaisait, mais que t'avais juste pas envie de danser, là, vraiment, t'es. Oui, t'es vraiment voilà. Mais voilà, c'était un peu un rejet, c'était pas très sympa, mais je m'étais même pas formulé ça, quoi, à l'époque. Son nom? Voilà. Je ne sais plus du tout. Mais j'ai fait. Appelons-la Gwendoline. J'ai fait l'amour très tard, du coup, parce que je ne savais même pas que rejeter quelqu'un, c'était pas sympa. Donc, j'avais du chemin à faire en termes de relations humaines. Bah, pareil, moi, j'avais une nana, je crois que je l'ai déjà raconté dans un podcast, bon, tant pis, c'est pas grave, que j'ai embrassé sur la bouche un soir, d'une boum. Avec la langue ? Je pense que je crois pas. sur un truc pas du tout cliché, parce que c'était sur la chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Okay. Donc autant vous dire que c'était très cliché. Et en fait. Et un peu ringard. Et complètement ringard. Et en fait, oui, mais en fait, on était en Bourgogne et on écoutait Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin. Enfin, on était très pas du tout sur les musiques d'aujourd'hui. Et en fait, moi j'étais en mode, ça y est, on est en couple. Alors que vraiment, pas du tout. C'était un cadeau pour mon anniversaire presque. C'était vraiment. C'est pas celle à qui t'as acheté des places pour Franck Dubosc, pas. Non, c'est pas elle. Non, c'est et moi, elle, pour info, je ne mettais jamais de crampes. À partir du moment où on venait me dire « Il s'intéresse à toi », je disais « Ok, bah, testons ». Et vraiment, j'ai eu plein de relations d'une semaine, 10 jours. Parce que j'étais un peu dans ma période aussi Alizée, Lolita. Ah bah et voilà, je me disais « Bah vas-y ». Oui, il se passait pas grand-chose. Hein, c'était juste, on se faisait un bisou à la pause-déj. Ouais. Et avant la pause-déj. Oui, voilà, c'est ça. C'est eux. Mais c'était ça, la relation couple. Genre, une semaine de ça. Et puis après, bon, on se disait « Bah, ça, c'est pas terrible », on se quittait et puis au suivant, c'était fou. Tu testais un peu comme de la charcuterie à Carrefour par exemple, non, tu goûtais et tu... Bah non, parce qu'il se passait pas... Non, enfin, tu faisais un bisou et terminé, oui. Quoi, voilà. Je sous-entendais pas ça. Est-ce que t'avais une réputation du coup, à cause de ça? Mais non, mais beaucoup faisaient ça en fait. Ah ouais, c'était le lycée des gens qui... Par contre, ma mère avait flippé. Ça s'appelait le lycée Baise 2000, hein. C'était le nom du lycée. Ma mère avait vraiment flippé, elle m'avait emmenée chez le psy pour en parler. Parce que je pense que j'avais eu. Ma fille est nymphomane. Ouais, ouais, non, mais oh. Elle a vraiment eu peur. Et quand j'ai raconté mon histoire au psy, elle a juste dit non, mais c'est normal, tous les ados font ça, il n'y a rien. Ouais. Surtout que c'était vraiment que des bisous et il ne se passait rien. Quoi. Non, c'est le fait que tu prenais 50 balles à chaque fois qui était choquant. Non, le psy a dit attendez, là, juste avant, j'avais le petit Freddy, vous liriez ses lettres. Ça, c'est un pur taré du sexe. Pur taré. Par contre, je me rappelle d'une rupture. Pardon. Non, pardon. Je me rappelle juste d'une rupture qui m'avait marqué parce que le mec, quand j'avais dit bon, ben, je pense que c'est terminé, il s'appelait Johan, il est parti se fracasser les tibias contre une barre de fer. À côté de moi. J'étais, c'est terminé. Johan amateur de boxe taille. Oui, c'est vraiment. Et se tout le collège faisait notre chukao, notre chukao. C'était un moment très long, je m'en rappelle. J'étais à 2 mètres de lui. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et quand il avait les tibias fracassés au sol, tu lui as dit tu te couches comme Miley. On se remet ensemble alors. Non. C'est on le salue, il est en fauteuil roulant maintenant, on l'embrasse. Donc oui, il y avait une question qui disait, est-ce que vous vous sentiez déjà au collège lycée avec quelque chose d'artistique à exploiter en vous? Comme si vous saviez déjà que vous alliez arriver là où vous en êtes, non. Maintenant, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un peu deux questions en une, moi je trouve. Est-ce que déjà vous aviez un peu un truc artistique en vous? Artistique, non, mais j'étais le mec marrant, quoi. Oui, voilà. Le pitre. Voilà, le pitre, c'est ce qui me permettait. Brad mais un pitre. Peu, exact. Un peu comme toi, Freddy, en fait. Le mec qui est pas bully et qui est pas victime, qui est un peu entre les deux et qui s'en sort en mode de blague. À la différence de Freddy démontait des femmes, je te rappelle. À la différence près. Enfin, avec sa plume. Oui, avec sa plume. Il trempait sa plume dans le foutre. De son sperme. Non pas dans le vitriol, mais dans un petit fût de sperme. Dans son urètre directement. J'ai une image un peu dégueu, mais, pas désagréable. Freddy, toi tu avais, on parlait de toi, t'avais un truc un peu artistique en toi, outre l'écriture. Non, oui, il y avait la prose. Non, il y avait ce truc de oui, faire des vannes. Moi j'écrivais. Oui. En fait, pour faire kiffer les meufs, pour les faire rire, la veille, j'écrivais des vannes sur des gars de la classe. Ah, j'ai fait balancer le lendemain, tu vois. Il y avait des gars, je vais pas balancer des noms, mais en fait, à l'époque, on valait vachement sur le physique et les vêtements. Horrible. Et je les écrivais à l'avance et je me disais, putain, c'est trop marrant si je fais ça sur Yves, par exemple. Ouais. Et je balançais, et toi, non, alors que c'était préparé, c'était déjà écrit. C'est la fausse impro, tu vois. Quel connard. Je me disais, je l'ai tellement terminé et tout le monde riait. Je me disais, ah oui, c'est très kiffant. Et donc, il y avait ce premier truc-là. Je faisais ça aussi. Et mes potes, après, je les vannais et il y avait des trucs de cahier, je les vannais, etc. Et vers l'âge de 18 ans, en fait, à l'époque, je savais pas du tout comment faire pour faire du stand-up, par exemple, quoi. Et je me souviens que je récupère le numéro du Palais des Glaces. Parce qu'il y avait Eric et Ramzy qui a fait un spectacle là. Bien sûr, hein, bon spectacle. Ouais. Ah, oui. Et je me dis, débile, hein. Vraiment, je suis vraiment débile. J'ai demandé à Eric et Ramzy de venir au collège. Et j'appelle et je me dis, comment je peux faire pour me démarquer, etc. Je pense qu'il y a plein de gens qui appellent pour jouer la comédie là-bas, ce qui n'a pas de sens déjà. Personne n'appelle le Palais des Glaces pour jouer la comédie. Non, c'est pour réserver des billets normalement. Ça. Et donc j'appelle et je me dis, ok, il faut que je sois différent. Et je dis, oui, allô, je vous appelle au cas où vous chercheriez. Un bon comédien, faut pas m'appeler parce que moi vraiment je suis mauvais. Donc je vous donne mon numéro comme ça vous m'appelez pas. Aucun sens. Si, un peu d'humour. Non, mais vraiment, t'avais un état d'esprit quand même. Et j'étais persuadé qu'elle allait me dire vous êtes tellement différent déjà. Mais venez jouer une heure chez nous. Et on fait une captation DVD dans la foulée. C'est comme ça que ça s'est passé avec Eric et Ramzy. Pas du tout. Elle a fait pas de soucis, je vous transmets au. C'est comme, et c'était un échec. C'est comme les comptes Insta là, les gens qui disent ne cliquez pas sur mon pseudo. Bloqué des premières fois, tu le fais un peu. Enfin, je crois que tu... Non, personne n'a cliqué jamais. Un peu là-dessus. Non. Okay. Moi, je clique à chaque fois. Bah, comme avec les mecs. J'ai pas de petite sœur. Lucien, un truc un peu artistique en toi à l'époque. Non, mais moi, j'étais le cliché. Bien après, mais t'avais un groupe d'orgue, donc tu jouais la gratte à l'époque. Ouais, la harpe. Tu grattais. J'ai commencé ça vers 13-14 ans. Ok. Quand j'ai découvert. Premier morceau que t'as su jouer. Comme As You Are. Bien sûr, évidemment. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde dans ce style musical. Mais même, je voulais être acteur à partir de mes 9-10 ans, moi. D'accord, ok. Vraiment. Putain, ouais, le mettais en pratique au collège et au lycée? Ouais. En fait, je faisais des cours de théâtre et j'étais le bon acteur du groupe, tu vois. C'était, ouais. Ah non, mais lui, il monte sur scène. Donc, voilà. Mais c'était vraiment... Avec cette voix. Non, mais lui, il monte sur scène. C'était Molière, Shakespeare. Horrible. Non, il y avait ça, et effectivement, groupe de musique, ouais. À partir de 13-14 ans. Enfin, j'avais pas de groupe à ce moment-là, je jouais tout seul dans ma chambre, j'ai eu un groupe à 16-17. T'avais une guitare où t'avais écrit au feu des trucs dessus? Non, parce que, alors, il y avait une, j'étais un petit peu, contradictoire, c'est-à-dire que j'avais un peu une image de Jean Troué, tout nonchalant, je respecte pas les règles et tout, mais mes parents m'ont beaucoup aimé et beaucoup gâté, donc ouais. Et je respectais énormément mes parents, et donc ma première guitare c'est eux qui me l'ont offerte, et c'était une bonne guitare, et donc j'en ai pris beaucoup soin. D'accord, alors que j'étais dans un groupe de grunge, tu vois, c'était vraiment, normalement c'est les gens qui lavent pas leurs chaussettes ni rien, mais toi, j'avais un étui très stylé flambant neuf parce que bah, j'étais trop reconnaissant en mes parents qui m'ont offert cette guitare. Je morve, putain. Mais moi je m'étais fait engueuler par mes parents parce que j'avais tagué ma trousse et ils comprenaient pas que tout le monde faisait ça, ou j'écrivais en sur l'agenda de trousse. Tu l'as apporté? Non, mais j'ai dans mon journal intime une anecdote poignante. Non, mais attends, juste pour finir ça, j'avais écrit, ouais, donc comme tout le monde, corne au blanco, tu vois, ouais. sur le truc, avec le R à l'envers. Oui. Et vraiment, je m'étais fait défoncer et j'étais là, genre, mais enfin, mais tout le monde fait ça. Il fait, bah non, ça nous a coûté. Hey, quand tu paieras ta propre trousse, tu pourras l'attaquer comme tu si veux. Comme si ça t'empêchait de l'utiliser, d'avoir écrit corne dessus. Une trousse, quoi, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ouais, à part alors, le mot. Alors, attention, donc le 24-03-98, quel poisse aujourd'hui? Non, mais tout commence par quelle poisse. La journée commençait bien, on n'avait qu'un cours d'allemand, avec un contrôle. Et après ça, ça se gâte. On m'a volé ma trousse. Oh non! Voilà, j'avais de beaux stylos en plus, mais bon. Après... mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai beaucoup pleuré. Alors. Mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai pas de sœur. Toujours pas de sœur dans ma chambre. En fait, c'est un texte à trous. J'ai beaucoup pleuré. Alors, pour me consoler, maman m'a acheté un très beau stylo plume Crix et un stylo bi-rose. Putain. Avec lequel tu as écrit. Et même qu'elle elle m'a loué une cassette Dumb and Dumber. Oh, c'est génial, trop cool. Trop stylé. C'est génial que tu aies gardé cool, tout ça, Nathalie. C'est génial. Voilà. Ouais. Je me suis ému, je chiale pour la trousse. C'est vrai que c'était un moment fort. Tu pleures dans chacune des anecdotes de Skyeg. Mais perdre sa trousse, c'était dramatique. Ouais, c'était dramatique. Ouais. Ah oui, c'était traumatisant. Tous les stylos stylés, les petites gommes, perdre sa trousse, c'était traumatisant. Oh, moi, il m'est arrivé, j'ai vidé, tu sais, c'était les tubes de Blanco. Pas le Tipex genre roulette, vraiment, c'était celui un pot avec le pinceau. Ouais, avec le pinceau que tu dois dévisser et tout, il s'est vidé intégralement dans mon sac. Ah, dans tous les classeurs, tout le sac. Ah, ouais. Nous, les filles, on s'en servait pour faire du vernis quand même. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour les ongles? Horrible. Ça et c'est marrant que tu parles des stylos plumes. Moi, à l'époque, à Carrefour, j'y allais avec mon père, il faisait ses courses, et moi, j'allais dans mon coin et je volais des stylos plumes. Avec une petite lame de cutter pour les offrir aux meufs de ma classe. Oh. En fait, il y avait les stylos plumes Waterman et tout. Gentleman cambrioleur. Allez-y, écrivez. Il y avait ce truc de ouais, j'offrais des stylos. Arsène Lupin. Oh, je cherchais un truc. Elle est belle. Yes. Est-ce que vous collectionnez les billes de cartouches? Ah, oui, moi je l'ai fait. Ouais. Non, moi non. Pourquoi? Je crois jamais compris ça. Et j'ai un pote qui collectionnait les canettes de Coca. Dans les collections stupides. Voilà. Et moi, je connais quelqu'un qui collectionnait les heures de colle, Adrien Méniel. Oui, 4 par semaine. Ouais, mais j'étais pas un gros porc sexuel. Il y avait autre chose qui collait avec toi, je crois, Freddy. Ton 4 c'est l'aide d'amour. Est-ce que tu spermais dessus? Blague sur le sperme. Comme dans Groom. Ah, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes amusantes lors de voyages scolaires? Est-ce que vous avez fait des voyages scolaires déjà? Moi, j'ai... non. Voilà. Non, jamais. Terminé. Non, si. Ah, mais un truc que je l'avais déjà raconté, je crois. Ouais. C'était que... Mais c'était... Ah bah si, c'est dans le truc, parce que c'était en troisième, je crois. Ouais. On avait fait... En fait, il y avait une sale ambiance dans la classe. Il y avait un peu deux groupes de gens un peu séparés qui s'entendaient pas. Bah, il y avait des pro-Israël et des pro... voilà. Non, et la prof principale avait dit, on va faire un voyage scolaire et ça va ressouder les élèves. Donc déjà, il l'avait fait en fin d'année, ce qui était un peu stupide, parce que c'était trop tard. Ouais, c'est fini. Et on est allé à la montagne et tout, donc ça se passe plutôt bien, etc. Et le dernier jour, en fait, on était tous dans des chambres, machin, etc. Et le dernier jour, j'étais donc, on était avec des potes, on s'était réunis, je sais pas, on était une dizaine dans ma chambre. Et on se rend compte que dans la chambre d'à côté, qui était juste séparée par une porte qu'on pouvait pas ouvrir, mais bon, c'était une porte, il y a un autre groupe. Et ils sont en train de parler de nous, les gens, pour nous chier dessus, quoi. Oh non. Et c'était, en fait, nous, on l'écoutait, nous, on était un peu des connards, donc ça nous faisait marrer, tu vois. Et c'est vraiment. Un par un, il y avait notre procès. Oh là là. Je me souviens qu'il y avait une meuf qui avait dit « Adrien, il a de l'humour, mais il le gâche. » Bah c'était Monsieur Seri, je crois. C'est Mister. Pardon, c'est Mister. Pardon, excusez-moi, mais oui, mais il est worldwide aussi, j'oublie. Très bien, mais écoutez les amis, ça fait quand même 1h40 qu'on parle, donc ouais, on va toucher doucement à la fin de cette émission. J'ai quelques questions pour chacun d'entre vous, pas forcément liées à l'école, d'ailleurs pas du tout liées à l'école. Lucien Men, quand est-ce que va sortir ta vidéo sur Star Wars? Yes. C'est pas la source de toutes mes angoisses actuelles. Non mais voilà, les gens ont hâte. Ça t'apprendra à teaser autant. Ouais. Entre le 28 septembre et le 5 octobre. D'accord. J'ai bégayé de ouf en le disant. Vous voyez la pression tout de suite, hein. J'étais de bonne humeur et d'un seul coup. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui ne savent pas ce que c'est cette vidéo? Octobre 2019, hein, donc vraiment c'est très large. Attendez, patientez, ça arrive. Un an et une semaine de battement. Ça, c'est Phantom Force. Alors, j'explique brièvement. J'ai eu l'occasion via YouTube Space et Disney de tourner dans un décor extrêmement cool du Faucon Millennium de Star Wars. Voilà. Et donc, j'ai voulu saisir cette occasion, mais en faisant quelque chose que j'aimerais voir. Donc, j'ai écrit le script d'une histoire qui se passe sur 8-10 pages. Et j'ai monté absolument tout le projet à peu près tout seul. Et j'ai fait un Ulule et tout ça. Et donc, j'ai recueilli l'argent des gens. Et ça a très bien marché. J'étais ravi. Il y a même des gens autour de cette table qui ont participé. Adrien, je t'aime. Ouais, non, mais... Et voilà, super. Mais c'est clairement un projet qui est trop lourd pour mes épaules. Maintenant, je m'en suis rendu compte. Il n'est pas trop, car tu vas réussir à le faire. Non, je vais réussir à le faire. Donc, oui, il est très, très, très, très lourd. Tourner, ouais. Je vais réussir à le faire, mais... C'est du lourd, vous n'êtes pas prêts. Enfin, bac dans les bacs. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le frère à qui, lui, déjà. Oui, évidemment, je vais le mener à bien, mais ça fait 4-5 mois que je le vis assez mal, en fait. C'est je ne savais pas. Je suis content d'en parler. C'est juste quelque chose... Déjà, le père alcoolique d'Adrien, la petite sœur de Nathalie. J'ai pas de petite sœur. C'est violent, cette émission. Et c'est quoi l'étape où ça pêche, pour l'instant, juste par curiosité? C'est toute leur pour t'enfoncer devant tout le monde. Non. Je suis hyper curieux. C'est quoi, c'est le montage, en ce moment? Là, en fait, c'est de me discipliner moi-même. Et c'est de, en fait, il y a trop de, je dois maîtriser trop de choses. La production, la post-production, et notamment les étapes là, Ulule. Il y a des contreparties. Ça me mortifie complètement. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut organiser ça, et je suis pas très bien organisé dans ma vie. Je déclare mes impôts avec 6 mois. Rends l'argent. Elle brûle les rushs. Brûle les pellicules. Voilà. Non, c'est toutes ces choses-là. Et c'est aussi, c'est dans la post-production, c'est organiser les gens autour de moi parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas faire, par exemple les FX. Je ne sais pas le faire. Oh, est-ce qu'il ne te reste pas un peu d'oseille de ton Ulule pour payer des gens? Non, pas du tout. Non, vraiment, pas du tout. Voilà. Donc, je comprends. Non, mais la pression des gens qui ont mis des espoirs et de la thune dedans. Je le vis hyper mal. Moi, je savais que ça allait arriver, c'est pour ça que j'ai pas donné d'argent. Moi, je m'en doute à ce discours, je l'entendais déjà à l'époque. C'est hyper bienveillant de ta part et ça me touche beaucoup. Merci, je chiale, putain. Freddy, quel est ton sketch préféré ou que tu as préféré faire de Multiprise ou et de Golden Moustache? Préféré celui sur lequel je m'amuse le plus sur les tournages avec Multiprise, c'était les alternatives. Oui, ça se voit. Mais parce que c'est du double cam et c'est du jeu direct et c'est que de l'impro et vraiment on partait à chaque fois beaucoup trop loin et tu sais t'es devant tes rushs et tu te dis on va s'arrêter à la version 2 de la vanne, hein, plutôt que d'arriver à la version 7, mais l'idée c'était un truc de donc vraiment on gardait rien et c'est là où il y avait des fous rires permanents, etc. Le fait de tourner en double cam, c'est un truc en impro qui est, c'est un truc que je voulais et je réalisais ce truc là et je voulais absolument qu'on joue, je me fichais que ce soit un peu moins beau, un peu voilà, c'est une lumière, tu l'installes et après c'est que du jeu quoi, tu t'amuses avec tes potes tout le long et c'est trop bien. Et t'avais participé d'ailleurs avec Marjorie Lenoir. Exactement, Marjorie Lenoir qui avait dit cette très jolie phrase, attends je vais quand même pas l'embrasser, une très bonne phrase qu'elle a sentie sur ce tournage qui fait toujours très plaisir. Bisous Marjorie. C'est une réplique de Groom que tu viens de dire. Regardez Groom. Ouais, on en a pas parlé. Freddy Gladieux. Je prends ton sexe. Je l'avale. C'est ça, on a reçu ça. Tu as l'air très, très à l'aise sur les réseaux sociaux. Comptes-tu un jour monter sur scène Quand Adrien montera. Oh, et bah bam et bam et bam et bam. Il jette le bébé avec le boum. Non mais j'ai commencé, je vais pas dire commencé, mais là, je vous en parlais tout à l'heure, le fait de vouloir faire mon heure au Palais des Glaces. Non, mais c'est un truc qui m'intéressait énormément. Oui, parce que t'as pas dit, c'est que ça a marché. T'as fait le Palais des Glaces. Ouais, j'ai fait le Palais des Glaces. Première partie. Voilà, le DVD n'est pas sorti, mais j'ai fait le Palais des Glaces. Personne n'était là pour le voir, mais c'était génial. Et non, peut-être un jour, mais en vrai, d'une part, j'ai vraiment pas le temps, et d'autre part, c'est très, c'est hyper angoissant. C'est vraiment pas pour faire peur à Adrien. Mais c'est vrai, c'est hyper angoissant. Il y avait ce truc de moi, ça m'a je sais pas, j'étais vraiment. T'as fait le Paname toi ou pas du tout? Ouais, j'ai fait un passage au Paname. Ouais. D'accord, ok. Ça a rigolé. J'ai fait un passage au Paname. C'était en fait, en gros, moi, ça rigolait aux vannes que j'aimais le moins. Ah oui. Ouais. Et donc tu sais, il y avait ce truc de remise en question à la fin de putain, mais, ouais, mais ça me fait pas rire de faire cette vanne. Où, et puis rappelons que t'as refait le sketch de l'addition de Muriel Robin en plus. ça c'était vrai. Ouais, c'était vraiment compliqué. Ouais, donc voilà, non, il y avait ce truc, voilà, donc de la scène peut-être plus tard, mais quand j'en aurai le temps et quand je serai moins angoissé, c'est-à-dire jamais, ouais. Absolument jamais. Nathalie. Oui. J'ai beaucoup apprécié les derniers formats que tu as fait sur ta chaîne. Entre parenthèses, quand tu parles, quand tu fais pisse. Non, quand tu fais parles de pisse. Oui, de ta pisse. Oui, oui. Et de tes mots d'enfant. Comptes-tu en refaire d'autres dans cet esprit-là? Des trucs un peu, j'imagine, un peu moins, entre guillemets, écrits ou plus surréagis. Oui, voilà. Illustré à chaque fois. Voilà. Oui, un truc plus à la cool. Bah là, je prépare une vidéo où j'ai commandé plein d'objets à destination des célibataires. Pourquoi? Parce que je suis célibataire. Voilà, c'est dit. Mais personne n'était au courant. Mais maintenant, il va y avoir tous les mecs de la Terre qui vont venir te voir en disant « Tu voudrais bien sortir avec moi ?» et en attendant que tu dises « Bah oui ». Et tu vas dire « Oui à tous, oui, mais non, parce que ça, c'était au collège, dis donc. Parce non, que maintenant, vois... plus personne ne s'intéresse à moi dans la vraie vie. C'est vrai. Non, mais je t'aurais pas... Non, mais au pire, il te reste toujours ta petite sœur pour en parler. Oh, merde. Et c'est quoi les objets spécifiquement pour le célibataire? Oh, bah, elle teste des godes. Elle teste des... Mais enfin. Pardon. On s'inscame. Oh là là, ça va Nathalie. Il y a une veste, un hamac. Il y a un set pour jouer. Oui, c'est pour ça. Ça n'a aucun rapport. D'accord. Et du coup, c'est rigolo. Mais tu as aussi pour célibataire un espèce de set où tu peux jouer au tennis tout seul avec un élastique. Un jocari. Ah, un jocari, oui. C'est extrêmement c'est triste. C'est une tristesse. Oui, mais mettre ça dans la recherche célibataire, quoi. Est-ce qu'il y a les. J'ai vu ça, c'est des coussins de canapé, mais avec un qui bras. Qui te y avait pas ça. Avec un bras pour que parce tu te sentes enlacé. C'est génial. Ça existe en housse de couette, je crois aussi. Possible. C'est d'une tristesse. Mais oui, ok. Non, mais c'est drôle comme. Oui. Bon. Il y a des pailles en forme de bite aussi. Ah, parce non, que, bah, c'est on peut être célibataire et avoir le sens de l'humour. Hein. Eh, ça déconne. Oui, bah, les pailles après elles se retrouvent dans les narines des tortues. Une bite dans les narines, c'est bon. Ce drôle que... C'est marrant cette vidéo où on retire et c'est une bite tout vidéo. C'est quand même plus sympa. La vidéo brute qui retire une paille. Ah, 900 tonnes de bites, elles sont dans les. Pas cool pour la planète, mais c'est marrant. Il y a un petit twist. Question un peu pour chacun d'entre vous. Alors. Peut-être moins pour certains qui se sont directement jetés là-dedans, mais est-ce difficile de quitter son métier pour se jeter dans le grand bain de vie de sa passion? Je pense par exemple à Nathalie qui a été policière par le passé. Ça a été plutôt facile et plaisant. Ouais. Bah, non, mais en fait, moi, j'avais une petite sécurité, c'est que j'ai pris 2 années sabbatiques et au bout de ces 2 années, si ça marchait pas, je pouvais y retourner. Ah bah d'accord, oui. Ouais, ok. Ça aurait été vraiment la loose. Y retourner après les licornes ouais, et ouais. Tout. Bonjour à tous. Bonjour, je reviens. C'est moi la chanson des licornes. Les podcasts sur ma maman et tout. Allez, on va faire une patrouille. Arrêtez-vous, monsieur. Oui, oui, c'est moi, Natou. À l'enfer. Non, non, mais oui, non. C'était génial de ouais. Pouvoir faire ça. Mais en ouais. Plus, toi, t'as pu faire une transition dans le sens où t'as commencé à faire des vidéos, t'avais encore ton oui. Métier, donc t'as acquis une notoriété déjà. Non, non, c'était, bah, c'était au tout début. Donc, oui, mais... Ah oui, d'accord, ok. Non, non. Et en plus, j'étais en patrouille de nuit, donc... Il y a peu de... De lumière. J'allais dire de jeunes dans les rues. Non, non, je disais, t'as pas... Enfin, je veux dire, il y a une transition où tu faisais les deux en même temps, c'est ça que je veux oui, dire. Oui, oui, oui. Et du coup, ça t'a permis de pas te jeter dans le vide, genre, ah, je sais pas à quoi m'attendre. Ah, oui, ça commençait un peu à marcher oui, et oui, tout, oui. Quoi. Oui, ce que tu disais. Mais alors, j'ai dû faire un... Non, c'est pas ça. Non, parce que je pensais que... C'était une précision. Je précision, pensais que tu disais que je commençais à me faire reconnaître non, non, non, en non, patrouille. Non, non, du tout. L'angoisse. Non, non, et en plus, d'ailleurs, j'avais dû faire un rapport à mon commissaire en lui expliquant que je voulais 2 années sabbatiques parce que je comptais me lancer dans cette voie. Personne comprenait rien. rien à l'époque. Et surtout, je me rappelle avoir mentionné le truc, la création de la chaîne Studio Bagel va permettre, je sais plus ce que j'avais mis, mais vraiment, je me rappelle que j'avais mentionné ça. Et c'est toujours des collègues qui te suivent et t'envoient des messages ou des trucs dans le genre? Non, vraiment, on a coupé. Ok, d'accord. Ça, Navarro, par exemple, parce que Navarro t'envoie des messages. Pour une petite vanne que je tentais. Ouais. Ça fait deux ans. Moi aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais, non, bah écoutez. J'imagine Roger Hanin qui envoie un des textos à Natou. Il est gentiment décédé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Encore plus drôle. Freddy Gladieux. Putain, j'ai paumé la question. Mais est-ce que tu pourrais jouir dans mes yeux, s'il te plaît? Non. Décidément. Freddy Gladieux. Mais sinon, juste avant, pour répondre. Oui, pardon, excusez-moi, je suis passé. Si, moi, j'avais un taf classique. Le tuning. C'est ça. Le tuning, taxi 6. C'est moi qui ai fait les ailerons, c'est ça, sur les prochains. Tu faisais quoi, Freddy? Non, mon dernier taf, c'était agent de piste. C'est quoi? Genre au ski? Dans les aéroports? Non, c'est les gars qui lisent aux avions. La tectonique. Attends, est-ce que t'as pu les garder? C'est marrant. Ces trucs-là. Les trucs lumineux. Est-ce que pour déconner à un moment, je rêve d'en avoir? Tu gagnes. Non, mais par contre, j'ai frôlé un avion. Oh putain. Je suis passé sous l'aide d'un avion, je l'ai fait freiner et j'ai été sanctionné. Ah, le con. Parce qu'en fait, je l'ai pas vu. Tu l'as pas très visible. Et tu l'as pas entendu. Et ben, figurez-vous que quand vous travaillez dans le hub, c'est une sorte de parking à sur avion. Le tarmac. C'est ça. Il y a tellement d'avions partout autour de toi que le son est tout le temps. Exactement. Et t'as plus conscience de ça. Et j'ai fait ralentir un avion. Et d'un coup, tu sais, on dit à la radio, mais t'as pu te faire écraser. C'est, ouais, on me dit, tu vas être, enfin, t'es convoqué. T'as fait ralentir un avion. Je dis, quoi? Jamais de la vie. Mais en fait, au décollage. L'avion. Au décollage, ouais, exactement. Ah ouais. Quand tu fais ralentir un avion, c'est une sanction de ouf, quoi. C'est énormément d'argent perdu. Parce qu'ils risquent de niquer leur décollage. Mais surtout, c'est une perte de temps. Il faut tout reprendre. Le kérosène, c'est pas tout gratuit. Exactement. Je te ferai remarquer. C'est marrant, je t'imagine. Tout à fait. Ouais, enfin, je sais pas, je te visualise tout à fait avec un gilet orange. Non, mais en fait, comme t'as souvent une casquette, vous avez une casquette, non? Non. Bah non, ça s'envole, donc pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je t'imagine. Si, mais certains ont des casquettes, ouais. D'accord. Mais là, en fait, la vision que j'ai de ces mecs, ils ont une casquette et je sais pas. Enfin, je me disais, du coup, les perruques sont interdites aussi. T'avais trouvé une bonne voie. Je suis sûr que t'étais très bien. Et non, c'est très bien. Ça faisait combien de temps? J'ai fait ça pendant presque 5 ans. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Presque pendant 5 ans. Quel aéroport? Roissy. J'étais dans un café à Roissy, moi, pendant quelques mois. Ok, moi, c'était la zone de traite. Tu vivais dedans, non? T'as bossé là-bas? Ouais, je bossais là-bas, je faisais des sandwichs et tout. Oh, ouais. Mais c'était bien ou pas? C'était cool. Enfin, juste, on nous obligeait à jeter les sandwichs le soir, donc ça me foutait la haine tous les soirs. Les mais moi, j'étais une rebelle. Je mettais tout dans un sac propre et je donnais après aux SDF. Ah, ta petite sœur, bah non. Il y a des SDF près de l'aéroport? Il y en a, oui. Je sais plus où c'était, dans mais vraiment. Oui. Bah, le film avec Tom Hanks. C'est pas un SDF dedans? Tu l'as jamais vu? Je sais, c'est une blague. Okay. Yes. Non, moi j'étais en zone fret, je sais pas. Mais tout ça pour dire que bref, j'ai quitté mon taf, mais c'est un peu, enfin c'est peut-être différent de toi, mais en gros, moi j'étais à la fin, j'avais le dos ruiné parce que certes on fait décoller et atterrir les avions. C'est ça que tu fais des maracas. Mais il y avait aussi ce truc où moi je chargeais aussi les avions. Donc en fait j'étais dedans et il y avait le... Ah donc c'est toi qui faisais perdre nos bagages? C'est ça, et vraiment. Ah ouais, on marche dessus. C'est au prix où on paye le billet d'avion. C'était les colis, moi. C'était les frettes. Du coup, c'était avant que tu étais scénariste de films porno ou c'était dialoguiste, je veux dire. C'était après. Okay. Donc moi, j'étais en arrêt pendant un bon moment. Au bout d'un d'accord. Tu t'es vraiment fait mal au dos. Ouais, je m'ennuyais ferme, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu à la scène et des vines. Et du coup, il y a eu ce truc où le palais des glaces, le DVD, achetez-le. Il est sur. Non, et bref. À Place République. Et en gros, il y a ce truc où non, moi, j'avais un petit peu d'argent de côté et je m'étais dit, ok, t'as un an. Pour tenter de vivre autre chose. Tu t'es mis une deadline, en fait. Exactement. Ouais, c'est l'argent qui a décidé de ce truc-là. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, je voyais vraiment mon compte se vider. Je me suis dit, putain, je vais devoir retrouver un taf, en fait. J'ai pas trop le choix. Et d'un coup, je rentre chez Golden avec le lab. Putain. Ouais. Ce qui n'est pas assez pour gagner de l'argent, vous le savez. Non. Voilà. D'ailleurs, c'est... Vas-y, non, continue. Et en parallèle, le petit journal. Et franchement, je devais être à quelques centaines d'euros sur mon compte à ce moment-là. Vraiment, c'est le moment où j'allais devoir trouver un autre taf. C'est bien de ça arriver. C'est vraiment pas assez. Et voilà, du coup, en fait, c'est très compliqué de dire aux gens oser ou. Enfin, c'est ouais, très ouais, dur. Bien sûr. C'est très dur. Moi, c'est vraiment c'est une chance que j'ai eue de. Bah, vas-y, tente un truc, quoi. Mais, mais j'avais le chômage pendant au moins un an et demi. C'est ça? Comme quoi, le système français. Non, mais on a une vraie chance en France d'avoir le chômage. Enfin, c'est un peu. hyper sérieux et pas marrant de dire ça. Mais non, mais on peut. Quand tu fais un boulot con et que t'as envie. Enfin, con, pardon, qui ne te convient pas. Ouais. Normal, entre guillemets, et que t'as envie de te lancer dans un truc artistique où c'est sûr, pendant au moins quelques mois, bah, tu vas manger des cailloux parce qu'il n'y a pas d'argent tant que t'es pas un petit peu arrivé quelque part. Eh bah, ben, c'est cool d'avoir des indemnités chômage pour, ouais. pour avoir le temps de développer ton truc, quoi. Il y a le Pérave, là, qui vient de quitter son. Ouais, et oui. Voilà, ouais. ah ouais. bah, il vit sur le grosse chômage pression, et ouais. on est content pour lui, quoi. Bien sûr. Grosse pression. Après, il a signé chez Mixicom, donc il va se faire un peu d'argent. Freddy Gladieux, ça te fait quoi d'être parfois moins connu que tes vidéos? Alors, un peu dur, mais c'est intéressant ce que la personne le dit. Le Vine. Qu'est-ce que ça te fait oui. de te faire voler toutes tes vidéos par des contenus tierces? Le vol dans le métro, oui. le commentateur crieur, Sébastien Canté, etc. Mister Dachman. Bah, c'est le jeu. Non, mais en fait, tu peux pas. Ah, oui. En gros, en ce moment, j'ai un truc où à un moment, je me suis dit, putain. En gros, dès que j'ai une idée de vidéo, j'ai envie de la faire dans la foulée. Et ouais. je me dis pas, faut que j'ai ma tête dessus, tu vois. Ouais. En fait, mais t'as pas mis un petit. Oui, t'as un. Dernièrement, un je l'ai fait sur une vidéo. Et franchement, ouais. ça me fait chier de mettre une. Un Water Freddy, ouais. parce qu'il s'appelle pas Marc, hein, par contre. Oui, c'est vrai. Eddie, un Water Eddy. non, mais déjà, d'une part, c'est chiant. En fait, c'est pas beau sur une vidéo de mettre son truc en gros, ton nom là, Freddy Gladieux avec ta ouais. tête, quoi. Franchement, ça me fait chier déjà de ouais, le faire. Je comprends. Et quand tu le fais, donc déjà, et en plus, il y a même un truc de oh, regardez, je mets ça, comme ça, si on me la vole, comme si, tu sais, il y a presque un truc de je sais que ça va marcher. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, ouais, et, ça fait une pression. Oui, mais pas plus tard qu'hier, on m'a pris une vidéo, mais en fait, c'est pas que je m'en fous, mais en vrai, ouais, c'est le jeu, je m'en fous. Oui, mais maintenant, il y a jurisprudence. Tu t'es fait voler trop de vidéos. Pour ne pas mettre ta tête, enfin tout le monde ouais, me comprendrait maintenant, tu vois, ouais. il y a au moins 3 gros cas où tu t'es fait voler des vidéos qui cartonnaient et ça a recartonné encore 5 fois plus sur des comptes d'agrégateurs. Mais c'est le jeu. Ouais. Bah non. Code de geek. Enfin, qu'est-ce que je veux faire, quoi. En vrai, c'est plutôt cool parce que ça fait des relais, les gens les voient, ça les fait rire, S'ils savent qui je suis, tant mieux. S'ils savent pas, tant pis. Un petit marrant que t'as partagé, qui était quelqu'un, donc ça devait être code de geek ou je sais pas quoi, machin, qui avait mis qui a fait ça encore. Et il y avait sa tête avec écrit Freddy Gladieux en bas de la vidéo. Qui a fait ça, fallait regarder juste en dessous, il y a ma tête et mon nom. C'était vraiment écrit, donc. Donc voilà, et enfin, je termine sur une question qui a bien un rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que l'un d'entre vous croit en l'existence de vie extraterrestre? Bien voilà. sûr. Vraiment? C'est tout. Oui. Moi aussi. Mais okay. Bien sûr. Bah, c'est tellement vaste l'univers. Très bien. Je suis la même. Enfin, c'est énorme. C'est Adrien. Gigantesque. Oui. Ok. Eh bien, on se quitte là-dessus. Les réponses les plus molles voilà. pour la fin. Voilà. Choisissez bien vos questions. On va faire un dernier tour de table avant de terminer cette émission. Freddy Gladieux, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ou en ce moment ou dans un passé proche? Sur les pages des autres gens. déjà. Allez-y, voilà. Sur les autres pages, allez-y. Voilà, cliquez sur les pages, je sais pas, code de meuf, code de mec. Code de geek, code de. Voilà, sur tous les pages de code. Dès qu'il y a un code. Les pages de code, c'est là. Code promo. Code de la route. Code Lisa. Oh oui. Oh, code Cantou. Ah, c'est tous aidés. Allez, Adrien. Adrien. Code civil. Ouais. Oui. Code ceinture. Oh, oui. Ah, on joue avec le con. On arrête. Lucien Mène, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ou de cette vidéo de Star Wars qu'il faut vite que tu sors, je te rappelle, oublie pas mec. Ah, ça va, je me sens bien. sur ma chaîne YouTube, Lucien Mène. Mais tu as réalisé une vidéo récemment quand même. J'ai réalisé une vidéo pour MILTR. Je suis voilà. très content parce qu'elle vient de dépasser le million de vues. Et d'après elle, que j'embrasse. LTR. Oui. Emmy et TR. TR, ça. Ouais. Oui. Ça va. C'est son meilleur. Meilleure performance vidéo, donc je suis ravi. Voilà. Mortel, bravo à toi. Merci beaucoup. Il y avait une question, vas-y. Il y avait une question, je suis désolé, je l'ai squeezé parce que ça faisait 2 heures qu'on parlait. Un retour des mots marrants, peut-être, bientôt sur ta chaîne. Excellent. Ouais. Eh bien, je suis désolé, des fois il y en a beaucoup, pardon. Non, pas de problème. On approche des 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et pour les 100 000 abonnés, j'aimerais faire un jeu des mots marrants en live. Ok. Sur YouTube. Et j'aimerais bien vous inviter d'ailleurs. Ah, bah, avec grand plaisir. Tous, parce que je crois que je vous avais invité à la première, Adrien. Moi, je pouvais pas venir à la première. Tu pouvais pas. Je suis arrivé très tard. Je crois que Natou, tu avais un tournage, on m'avait dit. Et Freddy, on s'en fout. C'est long et chiant. Mais ça revient, ça revient très bientôt. Très bien. Et j'ai été ravi d'être là. Très bien. J'ai loupé une soirée sur le thème du hareng pomme à l'huile pour venir. Oh! Et je ne le regrette pas. Voilà. Nathalie, qu'est-ce que tu as, est-ce que ton actualité Sur Natugram. Pour des petites stories. Non, tu influences pas mal sur ce, oui, sur ce compte. Hein. Oui, oui. Je l'influence. Non, sinon, j'ai une série sur TF1 qui s'appelle Sam, trop dans bien. Laquelle je serai en fin d'année ou début d'année prochaine. C'est cool, avec le bon Fred Testo. Oui, bien sûr. Excellent. Sinon, mes petites vidéos comme d'hab. Je suis également dans la série Groom. Ah, oui. Dans deux épisodes. Bien sûr. C'est quoi cette série? Je connais. Regarde sur Télérama, il y a une. Ils t'expliqueront ce que c'est. Est-ce que c'est Mister Sébu? Quoi d'autre? Ça, je crois que j'ai jamais dit encore. Mais je bosse sur un jeu de société qui devrait sortir en fin d'année. Trop bien. Mortel, oui, trop un bien. Un jeu d'enquête. Stylé. On en dit. Disons pas plus. Pour les fêtes de Noël. Bah, ce serait cool. Ouais, ce serait stylé. Et Eglandine aussi qu'on sort sur YouTube bientôt. Bien sûr. Enfin, novembre, je crois. Fin octobre, début novembre. Bah, je connais pas cette femme, mais j'ai hâte de le voir. Oui, parce que voilà. Je l'aime bien quand même. De loin. Adrien Méniel. Salut. Une actualité. J'en ai une, mais je pense que ça va sortir. Alors, il y a la série Groom. Ah, bah mais, voilà. Non, mais ça va sortir quand cet épisode? Avant Fred? Lundi, ça sort lundi. Lundi, ouais, lundi alors, après-demain. Eh bien, le week-end prochain. Oui. Je serai au Frames Festival. Je comptais en parler également. Nous allons diffuser Phantom Force. Oh, avec Jérôme Niel qui sera aussi. En présence de Jérôme Niel, on va faire après un petit question-réponse sympathique. Préparez vos mais questions. Mais qu'est-ce que Phantom Force? Phantom Force, c'est notre hommage aux séries des années 90 que nous avons fait avec Jérôme. Ah putain, j'ai dit 80 dans le jingle de la dernière fois, désolé. Tu refais? Ouais, bah, c'est vraiment refais. En ligne, c'est en ligne et tout. Ouais, ouais. Non, et c'est un court-métrage. Voilà, c'est un court-métrage qui, voilà, on a essayé de recréer un épisode de série style Le Rebelle, Code Quantum. Toum, Quantum, selon les gens qui prononcent différemment. Hein. Moi c'est Quantum, je dis Quantum. Quantum. Et voilà, on a fait ça, c'est un truc très premier degré, c'est pas une parodie, c'est un hommage. Voilà, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire et on espère que ça plaira aux gens. Et ça va sortir dans très très longtemps sur YouTube, donc. C'est-à-dire mai 2019. Ah bah Flo, c'est il a mieux négocié parce qu'Eglandine... Bah je savais pas qu'on pouvait négocier. Okay. Ah bah, non, il faut glisser des billets. Réclamer non, et il sera diffusé aussi au Comic Con Paris la semaine prochaine. Excellent. Voilà. En présence de Jean-Miel. Est-ce qu'on verrait pas dans une série sur Disney Disney exact. Channel Oui, la série Like Me. Mais ça j'en ai... Oui, ça y est, qui est d'ailleurs sorti là. Ça a commencé. Ah, c'est sorti? Oui, là, la diffusion a commencé. Donc vous pouvez me voir sur Disney Channel normalement en ce moment. Et mais il faut payer, c'est chiant. hors de question. Pour revenir au Frames Festival, juste après Phantom Force, on diffuse le deuxième épisode de Groom en présence de Jérôme Niel et de Flaubert. Oui, je serai là aussi. Voilà. Pourquoi le deuxième? Parce que le premier est visible gratuitement. Ah oui, c'est vrai, je suis con, putain. T'es pas con, arrête, t'es génial. Un peu, t'es pas arrête, t'es con. Génial, t'es super. T'as grandi sans petite sœur. Ouais. Ouais. Et puis au Frame Festival un floodcast en live, en public. En public. Oui, pas en live, pas en direct, pardon, oui, c'est vrai, en public qu'on fera au Palais des Papes, on l'avait déjà fait hein, la dernière fois et on le fera alors dans les invités, il y aura Navo, il y aura Patrick Beau, il y aura Valentin Vincent. Et voilà, et puis on va passer, je pense, un bon moment. Voilà, on va rigoler. Il devait y avoir Sophie-Marie Laroui, mais ils lui ont programmé son... podcast en même temps que nous. Voilà. On va choisir entre un bientôt de Au Revoir et nous. Choisissez-nous. Horrible. Ouais, c'est un peu dur. Mais on va enregistrer des messages de Sophie-Marie Laroui que je lancerai, je pense, aléatoirement pendant l'émission. Voilà. Oui. Et voilà. Et moi, alors, vu que tu es sur Frames, on va aussi diffuser avec Valentin Vincent, qui sera également présent, des épisodes des Emmerdeurs. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à YouTube Premium, c'est des épisodes que vous n'avez jamais vus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et moi, aussi, je vais normalement diffuser Eglandine. C'est voilà, au cinéma. Ouais, pour le montrer un peu à certaines personnes. Bah oui, parce qu'autant en profiter, tu vois, que des gens puissent regarder un petit génial. Peu. Voilà, donc ça, c'est trop cool. Et puis, normalement, j'ai une petite conférence moi, aussi je où pense je parle. Eglandine, de... il y aura beaucoup de dislikes sur Studio Bagel. Non, je sais pas. C'est particulier. C'est tellement chelou. Oh. C'est particulier, mais c'est ça. Moi, après, j'en suis je très fier. Ouais, oui, pareil. Ouais, moi, j'en suis très fier. Enfin, donc... j'ai rien à voir avec ce projet. Non, mais t'en es. Mais toi qui l'as vu. Je suis contente pour elle. En voilà, cas. C'est ça. Et je ferai un petit truc aussi autour de l'écriture de fiction sur Internet à Frames. Donc voilà, ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, promo, Groom, toutes ces belles choses. Voilà. Tutti quanti. Tutti quanti. T'es bilingue italien, toi. Il absolument. Est très italien. Pourtant, merci à tous. Bisous. Ciao. Bisous. Merci. Ciao. Vive le collège. Ouais. Salut les copains et à l'année prochaine. Allongé sur la pelouse au regard du soleil. Ouais. En route pour la vie, Paris. d'ici la sortie, l'école est finie. Salut les copains et à l'année prochaine. Allongé sur la pelouse, regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie. Mais comment ça? Il doit y avoir une erreur. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux pas passer en établissement supérieur. Laissez-moi une chance, puis j'essaie de vous annuler ce conseil de classe. Au mois de septembre, on recommence tous aux mêmes places. Rendez-vous compte, fini l'école, puis c'est les heures de colle. Soyons rationnels. Les disparitions de cartables, les antisèches sous la table, les plans maraves et les cours de français passionnels. Les affectés des insectes infectent votre réfectoire et marqués d'une croix d'inceste la 11e lettre de votre répertoire. Sur les cordes d'un arbre centenaire que tous les élèves connaissent. Un chiffre, nos noms et une promesse. Nous n'oublierons jamais l'unique dortoir des filles, l'unique doctoresse, l'unique cours d'école et surtout les uniques camarades de notre unique jeunesse. Je passe au collège avec mes 6 collègues, je tourne notre manège mais sans Charlie Oleg. J'irai au courant des façons et hall d'année en classe de musique, j'ai toujours eu des bémols. C'est fini le rappeur écrit, je crois son rap de rue, comme Jésus disait. Croyez-moi, travaillez, ça me tue. Alors, vive des vacances, ou vite trimestre bulletin et infernale cadence. Je veux de la catin qui danse quand je juge dilate à l'idée de leur lèvre pulpeuse comme un cul de primate. Mais aussi sûr que mamie passera pas l'été, juré, craché, on sera tous là à la rentrée. Salut les copains et à l'année prochaine. Allongé sur la pelouse, on regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie. Salut les copains et à l'année prochaine. Allongé sur la pelouse, on regarde le soleil. En route pour la vie, par ici la sortie, l'école est finie. L'école, c'est Miffy. Ouais. Que demander de plus que le début des camps va. Des danses d'ambiance de fin d'année bénie. Le temps est venu de se dire salut, de quitter ce pensionnat dans la prairie. À l'attrait errant, de nouvelles aventures nous attendent. En marge de nos vies scolaires respectives, on a tous rendez-vous avec l'inconnu. Sexe, drogue et hip-hop au snog sont les remparts. En mémoire de jadis, prêtons serment sous l'honneur que ce ne soit pas un adieu. Mais qu'à ne revoir, non, ce n'est pas un adieu. Juste à ne revoir, ce n'est redoublé. Blancs se reverront à l'attrait rang. T'as vu maintenant, je suis grand, je parle d'un arc au vert, non. Gérard passe, le dernier samaritain, mais le premier de la classe. Ouais. Avoir des poils, 10 ans rythmé et déjà une petite moustache. Nouvelle démarche, décalqué sur Aldo, la glace. Je me parle les fesses de la maîtresse avant contraste pour le CES. Fumer des clubs et sécher le PS. Technologie, pointe, groupe, manoto, reverse. Jean, neige, trop de revers, au-dessus des converses. Ici c'est All Star Club des 7. Et je troque mon tâton dance contre un sac US. Où j'écrirai plein mon groupe de art que je connais même pas, comme sur ma collègue de bas, Joé Oé. Une dernière boucle pour le goûter de fin d'année. Sors le docteur m'a bouffé, péter le savane et fruité. On va se quitter mais on se retrouvera vite. Et je vous invite tous au quick, prendre une dernière frite. Ouais. Couleur de notre ancienne, tellement de zéro pointeur dans ma vertie. On vaut de donc pas 7, mais un millier comme papy, mamie. Je parle beaucoup au passé, collectionneur d'images jaunies, mais aussi de regrets. Je n'aurais pas dit à Corinne à quel point je l'ai. Mais en même temps je ne sais pas si c'est ça vont pousser. Il paraît qu'au collège les classes changent pour les matières. Cela a perdu ses spoofs, mais il va falloir s'y faire. Lance-pierre déjà dans le sac, mais ouais le bisou d'âge. Ils apprendront comme leur maman que je vise toujours au visage. Pour dire c'est se rendre compte qu'on ne peut plus dire pouce. L'école est finie, on ne se reverra pas tous.